dans la ligne croisière d'assemblage requis. Simon brise spontanément la symétrie de l'émission pour nous parler du boson de Higgs. Et Alexandra nous chante la vie de la reine du country Kitty Wells à Assemblage requis tout de suite. Bonjour, bienvenue à la victoire de l'assemblage requis pour cette semaine du 2 juillet 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Alexandra Carignan. Et on s'adonne à être en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Et oui! Oui, t'as passé une belle semaine? J'ai passé une très belle semaine. On a eu de la belle température, un bon festivois aussi qui a Est-ce été épargné par la pluie. Oui, je suis allée voir les Cowboys, Jean Leloup, Vincent Vallière. Je réussis à rendre mon passeport... 35$ là, a été bien déboursé. Je ne suis pas encore allé voir aucun spectacle. Non? Je regarde l'horaire des derniers jours. Nous, on est jeudi en direct. Il reste ce soir, vendredi, samedi et je crois que ça finit dimanche. Mais en fait, le spectacle à ne pas manquer, c'est celui de demain. Qui avec est, Galaxy, Radio-Radio. Galaxy, Radio-Radio, Mister Valère. Même, en fait, mon passeport, je l'ai acheté à 35$. Et je pensais que même si j'allais voir aucun autre spectacle, c'était rentable avec ça. Oh, oui, c'était très rentable. C'est merveilleux. Donc, à l'émission d'aujourd'hui, on va avoir pour commencer Mathieu Roy qui va nous rendre visite avec sa chronique nautique. Ensuite, dans 45 minutes, Alexandra, tu vas nous présenter ta lady du jour. Ma lady du jour, Kitty Wells. Moi, j'ai un syndrome. Quand l'été arrive, j'aime le country. Alors, je vais vous présenter la première femme country américaine. Tu vois, j'ai jamais vraiment eu envie d'écouter du country de ma vie. Écoute, tu vas en écouter aujourd'hui. Tu vas nous en faire jouer? Oui. D'accord. Dans 1h15 à peu près, David Ferron fera le point sur la situation au Mali dans sa chronique Graines de pivot. Ensuite, en deuxième heure, Simon nous fera sa chronique pour les nuls. Il va nous expliquer le boson de Higgs ou encore boson scalaire. En fait, je crois qu'il a changé de sujet. Il va parler de nourriture moléculaire, de la cuisine moléculaire. Ah! Ouais, donc comment cuisiner les molécules? Est-ce que tu as déjà mangé la cuisine moléculaire? Non, ça... C'est très particulier, mais j'en ai déjà mangé. C'est quoi? C'est comment faire de la bouffe seulement avec les molécules. En fait, Simon va pouvoir tellement mieux vous aider, vous parler de ça, là. Mais c'est justement avoir une bouffe sans consistance, mais avec toutes les molécules. Ah. C'est compliqué, hein? Ben, ça a l'air aussi compliqué que le boson de Higgs qui était supposé. Oui, effectivement. Non, mais pour vrai, la boson de Higgs, j'avais lu la page au complet, j'avais rien compris. Ben, moi non plus, en fait. On va continuer de pas comprendre parce que c'est ça. C'est ça. Ensuite, toujours dans cette heure-là en particulier, il y aura... Qu'est-ce qu'on a... Non, en fin de deuxième heure, oui. Justine Renaud va être de retour pour parler de lesbianisme dans sa chronique « Laisse béton ». On aura aussi nos chroniques régulières, c'est-à-dire « C'est un fait, sexe, mais ça devrait pas là et tu manges mon cœur ». Et comme on l'avait promis la semaine dernière, mais qu'on l'avait pas fait, l'éditorial de Sébastien Dulude sur le visuel. Le visuel du festival. Ils se sont sûrement mordus les doigts au courant des derniers mois. Parce qu'eux, ils s'étaient dit que c'était une bonne idée. Ben oui. OK. Si vous le dites... on va écouter aussi le palmarès anglophone cette semaine. Vous le savez, tout l'été, on bascule d'un côté à l'autre. Et là, on entend le palmarès anglophone pour la période du 25 juin au 8 juillet 2012. On va savoir d'ici la fin de l'émission si le numéro 1 est toujours The Mars Volta avec La Pochka. Oh, je sais pas. Hein? C'est une bonne question. On va voir ça à la fin de l'émission. T'as l'air troublé. Comme... Je suis troublé. Ben oui, mais je comprends pas pourquoi. C'est plus au numéro 1. OK. Donc, on va aussi avoir des nouvelles entrées, c'est-à-dire, il y en a quatre. On va entendre Edward Sharpe and the Magnetic Zeros. Il y a aussi The Shins et Metric, mais on va débuter en 20e. En 20e avec Go Ahead, Go Right Ahead, The Hives. À la vie de croisière d'assemblage requis sur C'est fou. Ah oui, vas-y, go right ahead. Vas-y. Go right ahead. We'll be right back. numéro 19. Nouvelle entrée. Le nouvel extrait de Metric, Youth Without Youth, nouvelle entrée en position numéro 19, anglophone. Et juste avant, c'était Go Right Ahead du groupe The Hives, qui était en 20e position, une nouvelle entrée aussi cette semaine. Mm-hmm. Il nous reste encore Edward Tribe et Magnetic Zeros, ainsi que The Shins à entendre en nouvelle entrée. Mais avant ça, on l'a en studio, en direct, bip, bip, bip, bip. Eh oui, live. Live, là, à radio, voici Mathieu Roy et sa chronique nautique. Voilà tous nos naufragés un peu mélancoliques, jouant Robinson Crusoe au bord du Pacifique. Le capitaine et son matelot dépenseront pour eux des trésors d'imagination pour aider et aider un peu. ni gaz, ni eau, ni salle de bain, pas le moindre confort, et pas non plus de croissant, ni de voiture de sport. Salut Mathieu Roy. Bonjour. On n'a aucune idée de quoi tu nous parles aujourd'hui. J'en ai aucune idée non plus, je suis venu à quiproquo. À quiproquo. Oui, oui. Tu sors ton latin, toi, là. Oh, oui, comme ça, comme ça. C'est du persona non grata et tout. Exactement, exactement. Aujourd'hui, quels sont les grands sujets d'actualité de lesquels on pourrait parler un peu? Là, hein? On va faire une chronique actuelle, tu sais, pour un historien sans faire changement. Wow! Hein? Une chronique actuelle? Oui, oui. C'est quoi les grands sujets d'actualité? Hein? Je pense qu'il y a le Mali quelque part, mais ça, David, c'est réservé ça. Oui, oui, et le Mali est réservé par David. Oui. Il y a le boson de Higgs, mais ça, c'est Simon. Il y a l'MFAO, c'est plein. Ah, ben oui, il y a l'MFAO. Mais à ça, c'est Aerosmith. Non, je pense qu'à soir, c'est le show d'ouverture francophonie. Ouais, mais en tout cas, je sais que je vais en parler en fin de semaine dans mes speeches, là, fait que je vais sûrement lire ça un petit peu. Parce qu'on rappelle que tu fais des discours sur les bateaux de croisière et que tu dois te mettre au goût du jour, même si tu joues un personnage des années. Ouais, c'est ça. Ben, ça me fait un petit peu un changement, un peu la place de dire tout le temps la même affaire. Ouais. Ça fait comme un peu une variation. Ce qui habituellement fait du bien au cerveau. Parce qu'à part être une grosse cassette que je paye sur play automatique, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est redondant. C'est quel personnage que tu interprètes? Louis Joliette. Ah oui. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, Louis Joliette? Tu veux-tu que je te fasse le speech? Fais-moi le speech. je vais vous faire le speech original, OK? Comment que je le pars? Alors, certains d'entre vous, peut-être, se posent la question sur pourquoi je suis vêtu ainsi. C'est que je représente un personnage fort important ici dans la ville de Québec, celui de Louis Joliette. Il est né ici en 1645, il est décédé en 1700. Les principales fonctions qu'il a exercées pour les services de la couronne française sont celles de géographe, cartographe et hydrographe. Ses principales réalisations, celles qui lui ont fait passer à l'histoire, sont celles d'une cartographie complète du nord du Québec entre les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Baie-du-Son, et également la découverte et la cartographie du fleuve Mississippi, et ce, à l'âge de 23 ans. Il n'y a même pas de carton, rien, là. C'est le ruban. Non, c'est ça, c'était le play. Ouais, puis en anglais, c'est aussi facile. Tu sais, c'est... Est-ce que tu sais si c'est selon son nom qu'on a appelé la ville de Joliette? Il a été le seigneur de Joliette. Ah, donc il y a eu ses terres là-bas. Oui, il y a une seigneurie en Beauce également, puis il a été un des premiers seigneurs de l'île d'Anticosti. Mais ça, j'en parle pas dans le speech parce que... Non. Des fois, il faut couper certains détails. Faut couper le gras, des fois. Mais non, c'est ça, c'est lui, la seigneurie de Joliette. Toutes les Joliettes qu'il y a aux États-Unis, c'est lui aussi. Oh mon Dieu! Ben. Il a semé un peu partout. Mmh. Puis même, vous pouvez voir encore la maison Louis Joliette, à l'endroit où elle se situe. Ça a été l'une des seules maisons qui n'a pas été vraiment détruite. À Joliette ou à Québec? À Québec. Sa maison originale et le funiculaire. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, c'est juste à la droite du château Frontenac. Puis qui t'emmène en haut, en bas, là? Ouais, c'est ça. Au lieu de prendre les escaliers, un ascenseur avec vue. Là. C'est ça. C'est le funiculaire. Il y a eu un gros accident là-dedans, là, il y a quelques années. Là. Ouais, exact. Ben, c'est ça, la maison de Louis-Joliette. Moi, je prends les marches. Ben, les marches sont le fun à monter. Moi, je trouve que c'est plus rapide que le funiculaire. Ben, j'aime mieux descendre que les monter. Bon, quand t'es rendu habitué d'être à Québec, je te dirais, t'es monte et descends, puis ça se fait pas mal tout seul à ce temps. Ouais, c'est ça. Ben, ça doit être vraiment moins long que de prendre le funiculaire. Ouais, mais c'est la maison qui est en bas, c'est la maison Louis-Joliette, c'est là qui est née vraiment. Donc celle qui est juste à côté du Petit Champlain? Ouais, ben elle se trouve être dans le Petit Champlain. Ça se trouve être dedans. Même les gens considèrent le Petit Champlain comme genre la place royale seulement, mais c'est pas ça. Non, c'est ça. Le Petit Champlain, c'est vraiment tout le quartier. La place royale qui est complètement reconstruite. Ouais, c'est ça. Tabarouette. Moi, j'ai pas beaucoup de repères, cependant. Ouais? Mais la maison de Samuel de Champlain est celle de l'église. Ouais, c'est ça. On peut trouver la maison de Louis Joliette si vous voulez chercher sur Internet. Tapez Louis Joliette, maison. Oui, il a été père d'une famille de 13 enfants. Puis sa grande. Tu sais, une des choses, c'était le premier Canadien parce qu'il est né Canadien, lui. Ah! C'est ça, il est pas né en France. Il a eu une éducation en France. C'était le clavecin. Fouille-moi, c'est quoi, là? Quelqu'un qui joue du clavier sur je sais pas quoi. En fait, du clavier. Sur des seins, hein, c'est ça. C'est ça que tu veux, hein? Oui, c'est ça. Deux notes, mais des méchantes bonnes notes. Oh, ouais. D'ailleurs, la dernière que j'ai eue, c'était plus une do, hein. Oh! Ça, c'est quoi le clavecin, le sandjump? Non. Mais c'est comme un piano, mais beaucoup plus strident. Mais en tout cas, c'était lui le maître de ça dans les églises à Québec. Ah! Oh. Parce qu'il était seigneur de Joliette, mais il n'a jamais vraiment tant que ça été là. Ouais, ben c'est comme Pierre Boucher qui a eu une seigneurie à Boucherville, mais qui vient de Trois-Rivières. Ben, en fait, il vient pas de Trois-Rivières, mais Mais c'est ça, on l'a adopté. Il n'est pas vraiment habité à Boucherville. Mais non, c'est, ouais, c'est... Ça, ouais, on l'a adopté. Trifluvien d'adoption. Ouais. Oui. Puis c'est, ça a été le premier Canadien à avoir vraiment une reconnaissance internationale parce que c'est lui qui a parlé avec la compagnie de la baie du son, tu sais, Radisson, tout ça. Là. Oui. C'est oui. lui qui leur en a parlé. Dans le fond, Radisson et Desgroseilliers. En plein ça. Les deux des brises. Tu tiens des leçons pas mal, toi? Deux des brises-glaces que l'on a à Québec, d'ailleurs. Ah c'est oui? Pas, c'est pas une joke. C'est drôle. T'as le Radisson, puis t'as le Desgroseilliers, ils sont tout le temps un à côté de l'autre, puis t'as la Amundsen qui est à côté aussi. Nous autres, on a des bustres à Trois-Rivières. D'ailleurs, le bustre de la Véranderie, qui a été tourné de bord l'été passé. Comment ça? Il y a quelqu'un qui a pour pris son... Pour être plus feng shui. Quelqu'un qui a pris son bustre, il l'a pas volé, il l'a juste comme... Tourné du bon bord. Tourné de l'autre bord. Pourrais-tu m'expliquer pourquoi t'es au courant de ça? Parce que ça a fait les nouvelles. Et pourquoi c'est que... pas plus fixé que ça au sol, tu sais, mettons? Ça, je sais pas. Parce que si tu peux juste le pogner puis le virer de bord, J'ai pas essayé de le tourner, là. C'est pas moi qui l'ai fait. Tu sais, les cubes d'université, c'est une chose, tu peux bouger, je pense, mais tu sais. Oui, ben, c'est comme l'espèce de bateau sapin au centre-ville, là, centre-ville de Trois-Rivières. OK. L'espèce de sapin. Structure en espèce de voilier. Mm-hmm. Puis tu peux le tourner. Eh ben. C'est le fun. Super, ça. C'est des choses que tu connais sur le monde marin, Alex. C'est ben oui. assez surprenant. Ouais, parce qu'en fait, c'est de l'art public. Là. Ça pourrait être toi qui fasses la chronique nautique à la place, non? On parle d'affaires de la mer. Mais ce qu'on dit pas souvent à propos de Louis Joliette, c'est qu'il avait un très grand talent. D'après moi, Jasmine, là, dans ses ancêtres. Jasmine Raymond Drainville, chroniqueuse ici des fois. Oui, oui, oui, qu'on le connaît très bien comme étant la gaffeuse. Oui. Dû au fait que un ordinateur est plus hydraté que elle parfois. Ouais. Oh, pour vrai, récemment, elle a renversé de l'eau. On a eu le droit à ça en CX, directement live devant tous, nous tous. Hey. Oh, vous êtes chanceux. Parce que qu'elle a perdu son iPod récemment, hein. Plus d'ordi non plus. Hey, ben, pas chanceux d'accélérer. Non, l'ordi a survécu, il a eu besoin d'un petit temps de séchage. Ah. Tu peux le mettre dans le riz? Oui, ou dans le tiers à chaque fois. Ou dans le tiers à chaque fois. Peut-être pas, ça sent moins bon. Ben, j'aime mieux dans le riz, je me sens que j'ai plus... C'est plus nature et graines. Oui. On aime ça. Est-ce que tu peux réutiliser le riz? Réutiliser. J'avais pensé à ça. Non, hein, t'es fort. Ben, moi, je la trouve bonne. Merci. C'est juste que le monde sont tellement pas fans de ça. Sont à des bas niveaux du jeu de mots. C'est ça, les gens sont lents aussi. Oh! Mais voilà deux semaines, Mathieu, lors de ta chronique nautique, tu nous avais parlé du rendez-vous nautique de Québec. Oui. Est-ce que tu y as été? Ben, j'étais là. Tu pourrais nous faire un feedback? Ah, ben, c'était plate en sacré. Oui, hein? Je pense que les gens n'ont pas suivi tes conseils, en tout cas, j'espère. Ah, non, sérieusement, c'était incroyable. Je sais pas si vous avez une idée un peu de comment c'est conçu le port de Québec. Pas du tout. Mais t'as la grande rangée qui est notre terminal de croisière maritime pour absolument quand on reçoit les gros bateaux touristiques, là, tu sais, le Queen Mary, les choses comme ça, c'est là qu'ils vont se stationner. Fait que là, t'avais le USS Whidbey Island, qui est le plus gros des bateaux qu'on a reçu, qui avait un dock pour recevoir les hélicoptères et tout, faire des débarquements, qui lui était le plus gros, puis t'avais un petit bateau de la Sûreté du Québec qui arrêtait pas de se promener devant, puis qui de nous dire faut que vous soyez à 100 mètres du bateau. Ben mais voyons. Le problème, c'est que nous autres, notre stationnement pour le bateau est celui adjacent. Fait qu'on était tout le temps dans la limite, puis le gars arrêtait pas de nous avertir. On a fini par lui dire que s'il comprenait pas que c'était là qu'on se stationnait puis qu'on n'avait pas le choix de passer par là. Tu sais? D'abord, je crois pas que le Louis Joliette aurait pu faire une attaque kamikaze. On aurait juste coulé nous autres. On l'aurait même pas atteint. Le nôtre est même trop vieux. Il aurait compressé. Puis après ça, t'avais la moitié des bateaux qui étaient non visibles. Mais voyons. Comment ça? Non accessibles. Ils étaient dans le bassin Louise. Mais donc, à la vue de personne, il y a personne. Mais c'était pas le but d'aller voir des bateaux? Ouais. Okay. Et c'est un drôle de choix, quand même. Ouais, c'est ça. Puis, ils ont vraiment positionné les bateaux de la gare côtière entre chaque bateau, les Allemands, tout ça. Puis, ça avait vraiment l'air de. Tu sais, ça avait l'air bric à brac, vraiment. Pour un rendez-vous naval international, ouais. Là, ça avait l'air d'être fait sur 16 par 2-3 gars, ça brosse, tu sais. Ouais. Non, ça n'avait aucun bon sens, mais c'était quand même... Ils chargeaient pour ça, en plus. Fallait payer pour aller là, non? Fallait payer pour visiter les bateaux directement. OK, donc tu n'avais pas besoin de payer pour rentrer sur le site. Non, le site il n'y a pas moyen de contrôler ça. C'était genre 2 km de bateau. OK. Qui était tellement étalé. Parce que même le navire qu'on a ici à Trois-Rivières, celui de l'aéroglisseur... Oui, l'aéro, le truc, là. Oui, celui qui ne touche pas à l'eau, qui est un petit peu au-dessus de l'eau, qu'on a appris la semaine passée. Mais c'est ça. Lui, il était dans le site des ferrailleurs. Donc, il était non accessible. Okay. Complètement. Et même pas visible non plus, tu pouvais pas le voir. Ben, nous, on le voyait parce qu'on passait par le fleuve. Okay. Mais mis à part pour ceux... Pour le average citoyen. La personne qui bateau, passait là. À pied, là, ouais. Ben, et à pied, c'est inaccessible parce que c'est un endroit que t'as pas le droit d'aller parce que c'est là que t'as le site des minéraux, genre, où c'est tous les minéraux du... qui ramassent du bouclier canadien avant de les exporter, genre, en Europe. Ça, c'est tout ce gros site-là. À droite, t'as le hangar pour la maintenance, toutes ces choses-là des convoyeurs. Puis ensuite, t'as la ferraille, les métaux qui ont été utilisés, qui ont été construits, puis que, dans le fond, ils envoient en Chine pour être récupérés, puis qu'ils nous envoient ça des produits finis. Fait que t'as ça, puis t'avais l'aéroglisseur de la garde côtière canadienne en plein centre de ça. C'est inaccessible, c'est genre une presqu'île. Ça vaut la peine l'année prochaine, 2013. C'est là, ça, on le voyait une fois de temps en temps qu'il allait faire genre 2-3 bangs sur le fleuve, puis après ça, il retournait. Mais c'était l'édition numéro combien, tu disais? 3. Et puis les autres, est-ce que t'étais allé? Les autres, j'y avais été en tant que guide encore, okay. Mais c'était à peu près... La même chose. Ouais, c'est ça. Un peu moins de navires de la garde côtière canadienne en grande exclusivité au port de Québec, même s'ils sont là à l'année. Parce que c'était le marketing, ils disaient que c'était exclusif. Oh, oui, c'était vraiment gros là, d'avoir fait déplacer ces navires-là. Là. Ils ont fait changer de port. De 2 mètres. C'est ça. Bon, au bord de la rue. La rive, excuse-moi. Non, non, ouais, ils sont à Québec. Jamais un bateau sera à Lévis parce que nous autres, le port à Lévis n'est pas adapté pour ça. C'est un port de mise à la mer. Comme ils disent. Mais il y a juste le traversier. C'est Lévis. C'est Lévis. Ouais, mais c'est ça. Le seul point où on peut partir de Lévis, c'est le point du traversier. Okay. Parce que les autres, c'est vraiment des quais de mise à la mer, des rampes de lancement, tout ça. C'est-tu moins long prendre le traversier ou prendre le pont? C'est. Ben, pour quelqu'un qui habite Lévis même, c'est. Ça prend 15 minutes de se rendre dans le Vieux-Québec avec le traversier, tandis que ça en prend 40 en faisant le tour. Oh my God. Ah, ça coûte combien? Et ça, sans trafic. 3,25 $ pour le... Puis nous autres, le stationnement est gratuit à Lévis. Grand point. C'est 3,25 $ aller, 3,25 $ retour. Avec ton auto? Non, sans ton auto. À pied, en tant que piéton. Sinon, c'est 8 $ avec ta voiture. Oh. Ben, je vais jamais avec ma voiture parce que nous autres, le traversier, tu le prends. Puis ensuite, le prochain quai après, c'est nous autres. Ah, bon. Fait que j'ai pas besoin de ma voiture. Je laisse ma voiture à Lévis puis je prends le traversier. Puis j'ai une carte mensuelle qui coûte 25 $ puis tu le prends autant de fois que tu veux. Ah, c'est comme la bus, mais de mer. Oui. Ouais, c'est mais cool, c'est ça. Mais non, c'est un bon système. On a des cartes à puce. On passe avec ça. C'est. C'est numéro un. Puis même, c'est très environnementalement responsable. Mm-hmm. Tout le monde sait que je suis très près de l'environnement. Oui. Étant à la GE, dans le poste de choses et environnement. Ouais, c'est ça, le poste le plus long. C'était assez drôle, le petit aparté, là, juste comme ça. On s'estimait pour savoir si on mettait nos noms, notre poste, sur les gilets. Okay. Moi, j'ai dit, moi, j'ai pas le dos assez large pour avoir mon poste. Parce que, tu sais, vice-président de la vie associative à l'environnement, là, il est... C'est des longs mots. Associative. Les vies associatives. Ben, c'est ça. Puis en plus, avec les petits déterminants, tout ça, là, c'est, d'après moi, je serais rendu à milieu du dos, puis... Il y aurait un texte en arrière. Suite de l'autre côté. Boire recto. Ouais. Puis, en fin de semaine, c'était vraiment le fun. Je me suis estimé avec des Chinois sur le fait qu'on n'avait pas de roi ici au Québec. Ils te croyaient pas? Non, pourquoi vous avez un château si vous n'avez pas de roi? Ah, ben c'est logique. Pour faire venir les touristes. Ah! Ben oui, c'est vrai, château c'est Frontenac. Oui, c'est ça. Mais Frontenac était roi. Ben sinon, pourquoi que ça s'appelle château Frontenac? Frontenac n'était pas roi. Ouais, là, t'avances des affaires. Là. Non, mais c'est les... Les gens le croient, là. Voyons. Non, c'est les Chinois qui m'ostinaient avec ça. Okay. Les Chinois sont rendus de plus en plus bons pour t'ostiner sans savoir de quoi ils parlent. Sérieux, ils sont en train de développer un talent national, là-bas. D'après moi, ils sont en train de le nationaliser, même. Ah, ouais. C'était incroyable. En fin de semaine, on dirait qu'ils ont tout envoyé les cons ensemble. Actuellement, j'ai aucun trouble avec les autres. C'est tout le temps on numéro les un, mais... En fin de semaine, il était spécial. On dirait qu'il y avait un petit taux de consanguinité sur le voyage. Je sais pas quoi. C'est accusatoire, ça. Non, sérieux, c'était vraiment spécial. Puis pendant un bout, j'ai eu aussi le droit à 4 enfants qui me tournaient autour en tournant, en courant. En tournant, oui. En tournant. C'était un bon... Ouais, j'ai l'image dans la tête. Ils couraient autour de moi. C'était vraiment là, un plaisir fou. Là. De beau temps à Québec. Ouais, surtout que ben, pour ceux qui me connaissent un peu plus, j'ai pas vraiment une grande patience avec les enfants. OK. Mettons, à coup de 2, c'est le maximum que je peux voir. Puis, c'était... Non, c'était violent. Là. Mais, j'ai bien aimé quand même. Ça a été une belle fin de semaine. Super. Et puis en plus, avec un petit déménagement le 1er juillet, histoire de fêter le Canada comme tout le monde. Comme tout le monde, c'est oui. Ça. Oui. Hein, c'est ça. J'ai quand même déménagé d'une rue, ça fait du bien. Est-ce que t'as déménagé, toi, Alex, non? Moi, en fait, j'ai bypassé puis j'ai déménagé le 1er mai. Hey, yes! Moi aussi, je fais ça des fois en mars, des fois en avril. J'ai comme une tradition depuis les dernières années de déménagement à des dates. Ah. Fait que moi, je regarde tout le monde le 1er juillet avec mon café sur ma galerie. Ha ha, loser! Ça fait des tu fais pas ça à longueur de l'année, hein, ta galerie, boire ton café? Tout le temps. Mais là, c'est parce que j'ai plaisir à faire mais ça. Elle est comme dans l'annonce de Swiffer, tu sais, hey, je vais aller boire ça, c'est la galerie en avant, non? Ben oui. C'est sorti mauvais, cette annonce-là. Mathieu Roy, merci. C'est tout? Un grand plaisir. Oh, oui. Je crois qu'on a fait le tour du sujet qui était pas vraiment décidé. Un sujet. D'un sujet quelconque, toi. C'était oui. Une improvisation libre d'une durée de 15 minutes. Et votons tout de suite. Oui. Qui l'emporte? La chaise. Ah. Hey, j'ai déjà gagné une fois contre elle. T'es très bon, Mathieu Roy. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Pour une autre chronique nautique. Pour l'instant, on va l'entendre une pièce musicale que j'ai décidé. C'est pour ça que je vous écoutais pas au début. Rappelle-moi, c'était quoi un funiculaire déjà? Le funiculaire, c'est un... C'est comme un gros ascenseur. Un ascenseur sur rail qui permet de monter avec une inclinaison. Ben, c'est merveilleux, ça. Breastfeeders va nous en parler. Voici funiculaire. Ça donne drôle, hein? C'est beau, hein? C'est un okay. Oh! T'es fou, man. T'es fou. Mais, aïe, aïe. Pas la lutte. Ouais. Désolé. Numéro 18. Nouvelle entrée. light in the world you've been. Cornered by your natural desire, you wanna hop along with the giddy throng through life. But how will you learn to steer when you're grinding all your gears? You've been talking for hours. You say time will wash every tower to the sea. And now you've got this worry in your heart. Well, I guess it's only life, it's only natural. We all spend a little while going down the rabbit hole. And the things they taught you, they're lining up to haunt you. It got you back. Certain over heartache and rage. Come set us free over panic and strange. I wanna see our bodies burning like old big sun. I wanna know what we've been learning and learning from. D'entendre Edward Sharp and the Magnetic Zeros avec Man on Fire, qui était la nouvelle position cette semaine dans le palmarès anglophone au numéro 17. Et avant ça, en 18e, on a entendu The Shins et l'extrait It's Only Life qui vient d'album Port of Morrow. C'est leur nouveau simple sur cet album-là. Simple. C'est simplement lié comme ça. Là. Maintenant, ben, tiens, quelqu'un qui n'est pas simple du tout parce qu'il a de la classe et vient classer notre émission. Vient classer votre émission. Voici la Lady du jour avec Alexandra Carignan. Alexandra, aujourd'hui, tu nous parles de Kitty Wells. Kitty Wells, en fait, comme je disais tantôt, moi, quand l'été arrive, j'ai un besoin d'écouter de la musique country. C'est un peu niaiseux. Mais non, c'est un genre. C'est une musique que je trouve qui est très reliée au soleil, qui est souvent légère, sympathique. Moi, j'adore le country. Tu t'assumes au moins, c'est important. Oui, mais en fait, j'aime pas nécessairement le country francophone. OK. J'aime seulement... Jean-Lisa Leblanc. Ben, Lisa Leblanc, j'adore. T'aimes moi. Ça. Okay. Mais je veux dire, tu sais, du country, genre Edith Butler ou Chantal Paris. Là. Celle qui fait du Je sais pas. Je peux même pas te le dire, je l'écoute pas. Okay. Moi, j'écoute de l'anglophone. En fait, je suis une grande fan de la culture américaine et le country, ça a une grande place dans cette culture-là. Et cette semaine, je vais vous parler de Kitty Wells, qui, en fait, est connue comme la reine de la musique country. Et elle a fait plus de 400 albums. Donc, c'est quand même assez important. C'est beaucoup. Elle est encore vivante. Ça fait une couple de fois que j'insère des ladies vivantes. Oui, pour faire changement. D'habitude, faire changement. C'est toi qui es dessus. D'habitude, c'est moi qui es dessus, juste après. Voilà, c'est un rituel que je me fais. Mais celle-là, je vais la laisser vivante. Mais elle a quand même rendue née en 1919. Là, donc, une jeune peau. Je pense qu'elle a 92 ans. Okay. Donc, c'est pas pire quand même. Donc, elle est née Ellen Muriel Deason. Et elle est née à Nashville, au Tennessee, en 1919, comme je vous l'ai dit. Ellen Muriel, ça n'a rien à voir avec Kitty. Ça, d'habitude, Kitty, c'est quoi? C'est son nom de scène, en fait, Kitty Wells. Je vais vous expliquer d'où est-ce que ça vient tantôt. Mais elle est née, Ellen Muriel, en 1919. Elle va recevoir dès sa jeunesse une grande influence de la musique. Il y avait son père et son oncle qui étaient des musiciens country, mais sa mère aussi qui était une chanteuse gospel. Donc, tu vois déjà que c'est une famille qui est quand même très musicale. Donc, dès qu'elle est née... Et religieuse, sûrement. Oui, en fait, le country, ça se passe dans le sud des États-Unis. Et le sud des États-Unis est extrêmement religieux. Et le country, d'ailleurs, c'est souvent ça. Le God take the wheel, puis et tout et tout. God bless America. Oui, exactement. USA. Exactement. Donc, mais par contre, même si elle est dans une famille de musiciens joyeux, elle va avoir des temps difficiles parce qu'en 1934, elle va quitter l'école pour travailler à la Washington Manufacturing Company, repassant les chemises pour un salaire hebdomadaire, donc une fois semaine de 9 $. Et ça, c'était pour aider sa famille qui n'avait pas beaucoup d'argent. Il faut dire que là, on est au début du siècle. C'est pas évident de justement se trouver un emploi, surtout quand on est une femme. Mm-hmm. Mais elle va quand même commencer sa carrière musicale avec sa cousine et ses deux sœurs en formant le groupe Les Deason Sisters. Ah! Oh, hein? Tu sais, je te dis. Ça, c'est jamais vu, là. Et elles vont chanter régulièrement à la radio YSIX de Nashville, sa ville natale. C'est là qu'elle va commencer ça. En 1938, elle va se marier à un dénommé Johnny Wright, alors qu'elle n'a que 18 ans. Donc, elle commence. C'était vieux quand même jeune. À l'époque. Ben, à l'époque, c'était la norme, c'est en ça. Quelque sorte. Pour nous, c'est très jeune, mais c'était la norme à l'époque. Et dans cette union, un autre groupe va être créé, Johnny Wright and the Harmony Girls. Déjà un petit peu d'originalité, mais. On a un petit peu d'originalité. Les Harmony Girls. C'est cute. Ce groupe-là va être composé du nouveau couple Wright, donc de Hélène Muriel, de son mari Johnny, ainsi que la sœur de Johnny, Louise. Donc, eux autres, elles étaient les Harmony Girls. Les harmonies avec Johnny. Et un an plus tard, en 1939, Johnny Wright va se joindre à Jack Angling pour former le duo Johnny and Jack. Hey! Jack and Jill avec Adam Sandler, ça me rappelle. Johnny and Jack. Et c'est Kitty va être la choriste du duo. Fait très important, c'est durant leur voyage dans le sud en 1940, pour chanter dans une émission de radio, que Johnny va proposer à sa femme le nom de scène, Kitty Wells. L'idée vient d'une chanson de la famille Pickard, qui était très populaire à l'époque dans la chanson country. Donc, Kitty Wells est née en 1940. Et cependant, les enregistrements de Wells ne vont pas connaître un succès seulement dans les années 60. Parce qu'en 40-50, elle va faire des chansons qui sont dites un peu... frivoles qui ne veulent pas être passées à la radio. C'est censuré, ça, de la parler d'affaires... En fait, c'est pas du tout censuré, les radios ne veulent pas la passer. Okay. Elle est bannie. Elle est bannie, en quelque sorte. Exactement. Des cachettes. Non, c'est des mais elle va quand même passer par la porte quand même, parce qu'elle va quand même suivre son mari, même si elle essaie de faire une carrière sur le côté. Avec Johnny and Jack, le groupe qu'on a dit tantôt, vont participer à la populaire émission Grand Ole Opry. Oui. Le Grand Ole Opry, qui est encore aujourd'hui un espèce de gala, une émission qui est faite chaque année à Nashville, justement. Et ça va être enregistré dans le Ryman Auditorium à Nashville. C'est grâce justement au revenu qui va être fait avec cette émission-là qu'ils vont enregistrer son premier grand hit qui ne marchera pas vraiment. Oh. C'est « It wasn't God who made Honky Tonk Angel ». OK, c'est très typique. Oui. Oui. Et ça va être son premier single. Mais c'est ça, en fait, c'est NBC qui va diffuser, qui va interdire la diffusion. Tout de même, les fans n'ont pas dit leur dernier mot. Le titre va être 27e au Billboard Pop Chart. Et là, je vous parle encore de « It wasn't God that made Honky Tonk Angel ». Donc, il s'est rendu au 27e Billboard, même si NBC a décidé de ne pas le passer. NBC, dans le temps, censurait des affaires comme ça. Récemment, c'était... ils ont censuré le boire le jus de testicule de je sais pas quel animal à Fear Factor. Là, je sais pas. Encore, ils censurent encore des affaires, mais la limite est plus loin un peu. Aujourd'hui, je veux dire, même les radios américaines, c'est quoi? C'est il y a quelques années. Je sais pas si tu connais le groupe country de Dixie Chicks. Oui, avec la couverture de magazine anti... c'était quoi? En fait, oui, c'est ça. C'est que c'est un groupe de trois jeunes femmes les américaines. C'est les Dixie Chicks qui étaient contre Bush. Ouais. Et d'ailleurs, elles ont fait une chanson qui s'appelle I'm Not Ready to Make Nice. Et c'est une chanson, pas ouvertement, mais les paroles, ils l'ont dit eux autres, c'est contre le régime de Bush. Et à cause de ça, il y a plusieurs radios qui ont, qui ont interdit de les diffuser. Mm-hmm. Et pourtant, les Dixie Chicks, c'était un groupe country bien ancré dans la culture américaine. Et tout d'un coup, vu qu'elles se sont affichées contre Bush... Mais ils sont sûrement mis à dos 98% de leur public aussi, là, parce que tout le monde là-dedans est pro-Bush et pro-tout, en tout cas. Oui, effectivement, leur sauveteur, c'était un peu le Canada, parce que le Canada aussi, l'Ouest canadien, country... Mm-hmm. Mais c'est ça. Ça, c'est des fusils, ça. Oui. OK, c'est ça. Mais les Dixie Chicks ont eu des problèmes justement tout récemment. Donc, on imagine à l'époque, là on se transporte dans les années 40, là, la censure dans la radio est encore pas mal là. Ouais. Mais bon, c'est ça. Le public va décider quand même que lui, il aime ça. puis elle ne va pas pouvoir chanter au Grand Ole Prix, mais elle va faire plusieurs chansons parce qu'elles vont se vendre. Les personnes aiment ces chansons et c'est des chansons en saveur féministe, empreintes de profondes émotions. Là, je vous nomme des titres, mais vous ne savez pas. Release Me, Making Believe, I Can't Stop Loving You. Ça, c'est dans les années 50, plus la fin des années 50. Et elle va aussi aller chercher des thèmes assez contemporains avec des jukebox dans ses tunes et tout et tout. Et d'ailleurs, tout le monde disait qu'aller voir Kitty Wells sur scène valait son pesant d'or. Madame Wells apparaissait comme une femme sans prétention, correcte, même un peu démodée dans son habillement. Ah? Mais c'est ça, en fait, qui est... dans la musique country, c'est pas des grands fla-fla. Si on va aller rejoindre les personnes... C'est de la musique un peu simple. Le monde normal. Le monde normal, exactement. Et dans toute sa carrière, elle est apparue comme la star du country qui était au top de génération. Elle a accumulé quand même 38 top 10 au Billboard. Quand même assez intéressant. Et en fait, elle a vraiment pas arrêté à la musique. Elle a même a eu son propre show télévisé en 1968. Et son dernier hit majeur est arrivé en 1971. Donc, c'est un bon 30 ans de carrière assez intense. Sa série télévisée, va la continuer jusqu'en 1990. Ah ouais, pour vrai? Est-ce que c'était un genre d'émission de variété? Oui, c'est ça. Ça s'appelait le Kitty Wells Johnny Wright Family Show. Ah bon, dans ce temps-là, c'était à la mode des émissions familiales variétés. Ben, exactement. Puis d'ailleurs, elle va introduire ses trois enfants. Bobby, Ruby and Carol Sue. Ah, je savais! J'allais vraiment mettre de l'argent sur le fait qu'il y avait un sou là-dedans. Ben oui. Betty Sue, oui, ah, c'est sûr. Et d'ailleurs, donc, elle va faire le spectacle avec son mari et ses trois Billy enfants. Billy Ray, il y a sûrement Billy Ray. Mais non, cousin. Mais ça, c'est le père de Miley Cyrus. C'est vrai, je sais, il s'appelle Cyrus, Billy Ray. Le Hickey Breaky Dance. Fait que, dans le fond, tout le long, là, dès que ces jeunes vont naître et vont être capables de marcher, elle va les amener sur scène avec elle. Elle va avoir la famille... très, très, très à cœur. D'ailleurs, la compagnie de disques qu'elle va fonder, c'est le Rubaca Record. Et là, si on regarde le nom des enfants, c'est Ruby, Bobby et Carol. Fait que si tu prends les deux lettres, ça fait Rubaca. Superbe. Qui est leur parce maison. Que Caribou, ça aurait pas été aussi beau, hein, c'est ça? Caribou, c'est comme... Ben, en fait, ça aurait fait Caribou. Ouais, c'est ça. Mais je pense pas qu'ils savent. Non. Mais Rubaca, tu sais, c'est pas si pire que ça. Ça fait musique techno, genre 2012, Rubaca. Rubaca Record. Mais bref, elle a eu sa maison de disques. Et elle va d'ailleurs confier la gestion de sa compagnie à son gendre, John Strudvian. J'ai une amie dans ce nom de famille-là. Et c'est pour cette compagnie de disques-là qu'elle a chanté son dernier hit, Thank You for the Roses. Et elle avait 60 ans. Et finalement, en reconnaissance, elle va être élue au Country Music Hall of Fame en 1976. Ben oui. Et tous les honneurs qu'elle a reçus, là, écoute, il y en a que c'est un peu long, mais Academy of Country Music Pioneers Award en 85, le Grammy Lifetime Achievement Award qui disent à chaque année en 91, et The Music City News Living Legend Award en 93. Donc, c'est une femme qui a été très, très, très importante. Et ça a été, en fait, la première chanteuse country à recevoir la reconnaissance des Grammy, Lifetime Achievement Award. C'est la première et seulement la troisième chanteuse country. OK. Donc, mais c'est elle qui a ouvert le pas à toutes les chanteuses country qui voulaient s'affirmer parce que c'était un monde quand même d'hommes. Les femmes, à cette époque-là, c'était plus du gospel. En fait, quand t'étais blanche, c'était plus difficile parce que le gospel, ça chante beaucoup plus avec une voix de noir. Ben oui, c'est ça. Plus grave, plus profond. Exactement. Caverneuse. Donc, elle a réussi à ouvrir la porte à toutes les femmes country. Bravo. Alors, j'ai fini avec sa vie, la vie de Kitty Wells, qui était une chanteuse, la plus grande chanteuse country encore vivante. Et ce qu'on va vous faire écouter, j'allais pas vous faire écouter ça parce que c'est un peu pas vieux jeu, mais c'est un son qui est assez... très purement country. Okay. Je voulais pas vous associer à ça. Mais ce que je vais vous faire écouter, c'est les héritières un peu de ça. C'est un groupe qui s'appelle The Pistol Annies. C'est un groupe composé de Miranda Lambert, Ashley Monroe et Angelina Presley. C'est trois jeunes femmes qui font de la musique country. Et c'est un groupe qui se veut... on a beaucoup de la musique pop country ces temps-ci. Celle-ci se veut revenir un peu aux sources, alors on va aller écouter Hell on Heels sur les ondes de CIF 89.1 FM. what you will. I done made the devil a deal. He made me pretty, he made me smart, and I'm gonna break me a million hearts. I'm hell on heels, baby, I'm coming for you. This diamond ring on my hand's the only good thing that came from that man. Got a GTO from one named Joe and a big piece of land down in Mexico. I'm hell on heels, baby, I'm coming for you. I got a pink guitar, Lincoln Town car from, oh, what's his name? I met in a bar, got a Hollywood from a married man. Wasn't up to no good. I'm hell on heels, baby, I'm coming for you. Then there's Jim, I almost forgot. I ran him off, but I took the yacht. Poor old Billy, bless his heart, I'm still using his credit card. On vient d'entendre les Pistol Honeys avec Hell on Heels. C'était pour rappeler ma lady du jour, Kitty Wells, qui est la chanteuse country, la reine de la country. Alors, c'était un petit groupe estival de country que j'adore. T'as trippé, je pense, pendant qu'on l'a joué. Moi, j'aime tellement ça, cette musique-là. Puis c'est vraiment pas la pire, parce qu'il y en a qui sont vraiment... beaucoup plus round country que ça. Là. Je vous ai mis la soft chanson du CD. Softcore. Mais moi, j'adore l'accent du Tennessee, le banjo. Ouais. J'aime donc bien ça. C'est cute! Fait que c'était ma lady du jour, Kitty Wells, la reine du country. Merci beaucoup, Alexandra. Ça me fait plaisir. Une autre lady du jour la semaine prochaine. Pour l'instant, on va terminer cette première heure de la vie de croisière d'Assemblage Requis. Tout à l'heure, David Ferron sera avec nous pour nous présenter sa chronique Graines de Pivot. David, est-ce que tu veux prendre le temps un petit peu de nous dire qu'est-ce qui se met dans ta chronique? Ben, en fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais au Mali, une grosse dévastation du patrimoine culturel qui est là depuis le Moyen-Âge. Donc, je vais vous parler de ça. D'accord. Tout à l'heure dans Graines de Pivot. Merci, David. Pour l'instant, on prend une petite pause et on vient aussi avec la musique, entre autres, de Set the Well et Zeus. Restez là. retour, c'est la deuxième heure de la vie de croisière d'Assemblage requis pour la semaine du 2 juillet 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Alexandra Carignan. Oui, on écoute les palmarès anglophones pour la période du 25 juin au 8 juillet 2012. On a terminé les nouvelles entrées, on a pu... On est rendu aux anciennes entrées. Des affaires qui bougent. Ben oui, des bonnes entrées. En tout cas, moi, je les aime. Oui, c'est très bon. Alors, on va sauter par-dessus la 16e place, par contre, parce qu'elle est là depuis 7 semaines. Ouais, hein? on peut donner un break. Ça, de temps en temps, c'est qu'ils descendent. Donc, Band of Scars avec Lay My Head Down. On va entendre un bloc de 3. Plus tard, il y aura Kasabian et Zeus, mais on va débuter en 15e. En 15e avec Loveless de Seth the Whale. Ah, c'est fou! 89 FM. Dans vos oreilles! Est-ce que tu fais sécher les mains en faisant ça? Oui, parce que c'est long. Parce que c'était la danse de Loveless, c'est The Wheel, comme des baleines qui se feraient les nageoires. Ça peut être ça. Ouais, ouais, cool. We toss the machine around, hints and the subtle sounds, never spoken aloud. Until the moment's so slow, but I'm all ears, so you gotta let me know. If you're underwater, send a message in the bubbles. And if you want it in, you'd be like sin. Anything you want, dear. Anything you need, dear. Anything you wanna hear, que Sabian et Man of Simple Pleasures, position numéro 13, ça monte de 6 places, c'était nouveau la semaine passée. Et juste avant, c'était Anything You Want Dear, de 214e place, qui était précédé de Set the Well avec Loveless. Beau petit bloc de 3 pièces qui ont bougé cette semaine. Oui. Plus tard dans l'émission, il y aura Plants and Animals, Yukon Blonde et Parler, entre autres, dans le palmarès anglophone. Mais avant ça, Alexandra, est-ce que tu as envie qu'on accueille David Ferron? Pour sa chronique Graines de Bivaux. Salut David! Ben bonjour, vous allez bien? Ça va très bien, toi? Oui, toi? Ben oui, merci beaucoup, en fait, plus ou moins. Ah, mais pas à cause de ta vie personnelle, c'est à cause du Mali, je te gâche. Oui, exactement. Oui, ça aussi, va... le Mali. Ben, en fait, c'est à cause, pas du Mali en tant que tel, mais qu'est-ce qui se passe dans le nord du Mali présentement? Mm. C'est qu'au Mali, la situation géopolitique est très, très complexe, mais sans entrer dans les détails présentement, ce qui se passe, c'est qu'il y a un groupe islamique qui a pris le contrôle d'une ville qui s'appelle Tombouctou, qui est au nord de, du Mali. Le fameux Tombouctou. Celui qu'on entend souvent parler, mais on ne ben sait pas que c'est. C'est au Mali. Ben, c'est une ville, en fait. Puis, en fait, eux, c'est un groupe islamiste qui s'appelle Ansar Dine qui a pris le contrôle de cette ville-là. Et ce qu'ils ont fait, eux, c'est qu'ils ont détruit 7 des 16 mausolées qui se retrouvaient dans cette ville-là. Ça, c'est comme des églises? Oui, exactement. C'est comme des endroits de recueillement, prière. De prière, puis où ce que les saints abritent aussi. OK. Et par contre, c'est ça, c'est que c'est des bâtisses qui sont considérées comme patrimoine à préserver par l'UNESCO depuis fin juin. En fait, c'est ça qui a provoqué, en fait, de la part du mouvement Ansar Dine, la destruction de 7 des 16 mausolées qui étaient justement à Tombouctou. Okay. C'est justement qu'ils se sont dit, ben pourquoi, je vous l'explique, c'est qu'ils se sont dit pourquoi les Occidentaux veulent préserver des trucs où qu'on met des figures et des symboles, ce qui est interdit dans notre pratique, nous, en tant qu'islam. Okay. Parce qu'en fait, Ansar Dine s'oppose à la pratique de la plupart des Maliens qui sont en fait plus soufistes. Le soufisme, en gros, c'est quoi? C'est par rapport à la méditation avec Dieu. Donc, il y a un petit côté pas ésotérique, mais plus mystique. Tandis que les wahhabistes, dont se réclament les Ansar Dine, eux autres, ce qu'ils font, c'est non, il n'y a pas de symbole, il n'y a pas de représentation. C'est l'islam pur et dur, c'est le Coran, puis on vous l'impose dans votre gueule. Ouais, ben c'est un peu la même chose qu'avec les dessins de Mahomet il y a quelques années. T'as pas l'air de représenter Dieu dans un objet ou quelque chose d'autre que la Bible, ben, le Coran. Exactement. Donc, si je comprends. Oui, exactement. C'est la même chose. Donc, les mausolées, on se dit, ben regardez, les Occidentaux vont nous dire qu'est-ce que nous, comment qu'on doit pratiquer notre religion, ben. Off. Donc, on va détruire les musulmans le plus possible. Donc, tout ce qui est rapport avec l'image des saints, tout ce qui est par rapport à l'image de la région, nous, on détruit ça. C'est pas dans notre pratique. Ce qui est aux grandes dames des Maliens, parce que pour eux, ça leur présentait beaucoup de trucs au niveau patrimoine, parce que c'est des bâtisses qui ont été bâties au Moyen-Âge, depuis le Moyen-Âge. Mais dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que ce groupe-là vient, dans le fond, faire la même chose qu'ils aiment pas, dans le fond, parce qu'ils disent « je veux pas que l'UNESCO vienne dire quoi faire ». Comme ça, alors qu'eux autres, ben, ils viennent détruire les affaires des autres. Dans le fond, ils font la même chose qu'ils... Ah, ils s'en foutent tellement, là. C'est pas leur problème à eux. Eux autres, c'est nous, on est là, on s'oppose. Mais en fait, je dirais que c'est plus le prétexte de dire, ben, on veut provoquer les Occidentaux, on veut provoquer les Maliens, nous, on a le contrôle. C'est plus le côté, nous, on vous contrôle, on vous a envahi, regardez, vous êtes à nos pieds et vous nous léchez nos bottes et on s'en fout de vos cultures traditionnelles qu'on trouve tellement barbares. OK. C'est vraiment en fait plus un manque de respect envers la culture et les traditions maliennes que le fait qu'ils veulent provoquer l'UNESCO, je pense. Okay. Parce qu'en fait, c'est considéré comme patrimoine mondial par l'UNESCO depuis 1989 et c'est considéré comme site en danger en fait de destruction depuis 28 juin, mais pas à cause des musulmans, mais à cause de l'effet naturel. Ça va finir par s'écrouler, c'est quoi? Ben, en fait, c'est que le sable, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'avec le sable, parce que c'est tout construit sur du sable, le sable, ben, par érosion, va reste défrité. OK. Les constructions. Mais en fait, les membres de Ansar Dine se sont dit, ben, on va le détruire parce que regardez les Occidentaux, ce qu'on fait, on s'en fout des Anglais. C'est un peu comme les talibans, en fait. OK. C'est exactement le principe. D'ailleurs, il y a beaucoup de talibans qui sont au Mali présentement. C'est que d'où vient ce groupe Ansar Dine? C'est qu'ils sont pas tous maliens. Il y en a qui viennent de la Libye, il y en a qui viennent de l'Algérie. Il y a beaucoup. C'est en fait un espèce de melting pot du Golfe qui se sont dit, ben nous, on va faire un groupe et on va se rebeller parce qu'eux, en fait, ont profité du coup d'État malien qui s'est passé en fin mars, début avril pour prendre le contrôle parce que plusieurs groupes islamistes qui ont pris le contrôle du Mali. Donc, le gouvernement est assiégé présentement. Il ne peut plus rien faire. Et donc, et en plus, ce qui est plat, c'est que Tombouctou est considéré comme un centre culturel et intellectuel musulman. Donc, il y a une très grande université qui est là, par exemple. L'université, si je trouve le nom de l'université, c'est Sidi Yahya. Excusez-moi. Sidi Yahya, qui est en fait un mausolée, mais qui est aussi... qui abrite aussi une université qui est considérée comme un centre culturel. C'est comme un peu, mettons, la Sorbonne ou Oxford, mais version islamique africaine. Okay. Donc là, ils veulent détruire ça, ils veulent détruire tout. Là, j'ai regardé la nouvelle, ils ont pas l'air d'avoir trop détruit trop de trucs pour dans les 24 prochaines heures, les 24 dernières heures, mais quand même, c'est en fin de semaine, ça pourrait changer. Là. On sait jamais parce que eux, dès qu'ils ont temps et aussi longtemps qu'ils ont le contrôle, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. Okay. Aux grandes dames, parce que les Maliens, il y en a qui essayent de manifester, mais on leur dit « Manifestez pas, vous allez vous faire mitrailler. » Ça donne moins envie dans ce temps-là. Oui, c'est ça. Puis c'est sûr qu'il y a la Cour pénale internationale qui a dit « Regardez, c'est carrément ce que vous faites au niveau du patrimoine culturel malien, c'est un crime de guerre. » Ils ont dit carrément « C'est un crime de guerre. » Dans le sens, c'est un moyen en fait d'intimider la population en détruisant. Ça doit fonctionner, je pense. Ouais. Oui, c'est ça. Puis il y a même un truc, en fait, par exemple, c'est sûr que pour nous, ça semble vraiment folklorique, mais pour les Maliens, c'est très important. C'est qu'en fait, c'est ça, la mosquée de Sidi Yahya, ce qu'ont fait les gens de Ansar Dine, c'est qu'ils ont détruit la porte. Sauf que c'est une porte que tu n'ouvrais jamais parce qu'on avait peur qu'en ouvrant cette porte-là, la fin du monde allait arriver. Okay, c'est ouais. sûr que non. Mais dans leur croyance, c'est ça. Puis c'est un manque de respect total. Mmh. C'est sûr que j'adhère pas nécessairement à leur croyance, mais par respect à leur culture. C'est ça. C'est pas parce que t'es pas d'accord que tu dois provoquer comme ça. Non, c'est ça. Puis j'ai entendu des Maliens dans des reportages. Puis pour eux, c'est vraiment la fin de leur monde à eux. Ouais. C'est carrément ça. C'est vraiment la destruction massive de la part d'Ansar Dine. C'est ce qu'ils voulaient faire, de toute façon. Oui, exactement. Et là, vraiment, eux contrôlent la ville de Tombouctou. En fait, c'est comment ça fonctionne, c'est que le Mali est divisé en deux parties. C'est comment je pourrais expliquer ça? Imagine un chien okay. dont le regard regarde à droite. Uh-huh. Mettons, il y a la tête. La tête, en fait, c'est le nord. Puis imaginez que le cou, le corps, là, ça, c'est le sud. Mais toute la partie du nord, qui est quasiment la moitié du Mali, en fait, est contrôlée par des groupes islamiques. Il y en a qui sont plus extrémistes que d'autres, mais qui ont quand même profité du coup d'État pour mettre le bordel. Mm-hmm. Et donc, c'était l'information sur le Mali en espérant que ça aille beaucoup mieux que si jamais les gens vont au Mali ou n'importe où ailleurs. Peut-être pas à conseiller nécessairement en ce moment. Non, c'est sûr que non, mais j'espère qu'avec ça, les gens vont être conscientisés par rapport au patrimoine. Parce que oui, OK, c'est fait en terre cuite. On peut faire n'importe quoi en terre cuite. Mais c'est leur terre cuite, c'est leur lieu de culte, c'est leur lieu d'érudition. Mmh. C'est normal, c'est comme si nous autres, mettons, commençaient à trouver qu'est-ce qu'il y a de patrimonial. C'est comme si on commençait à mettre du pétrole sur le fleuve Saint-Laurent. OK. Pour dire, ben, je suis pas d'accord avec la ville de Trois-Rivières, ben, je vais mettre du pétrole dans le fleuve Saint-Laurent. Ouais. C'est exactement le même principe que je trouve vraiment aberrant. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est pas mal ça. C'est comme, tu sais, j'ai beau pas du tout croire à rien. Là. Mais ça veut pas dire qu'il faut faire des choses comme ça. Mais tu sais, en même temps, des terroristes, ça, c'est pas nécessairement là pour avoir du respect pour les gens. T'sais. Et non. Et toi, Alexandra? Ben, en fait, je crois que c'est juste... pas que c'est banal comme situation, mais c'est tellement arrivé de fois en Europe ouais. que des civilisations soient pillées par d'autres. Écoute, on a fait à peu près la même affaire ici au Canada avec les Amérindiens. On est arrivé puis on a dit vos lieux de culte sont pas bons, mm-hmm. c'est les nôtres qui sont bons. On va tout détruire. Chaque religion pense que la sienne est c'est la meilleure ça, et la seule. Fait, là, c'est comme la chanson de Jean-Pierre Ferland, là, God is an American. Oui. Ouais. Tu sais, c'est ça, c'est super plate. On n'apprendra jamais ça parce qu'on le fait depuis des milliers d'années et encore en 2012 on le fait. C'est une espèce de roue sans fin. Puis là, en plus, comment je vais l'expliquer, ça va l'air super banal, mais les lieux, c'est vraiment très beau à voir. C'est vraiment un monde particulier dans le désert. Là. Si vous avez l'occasion de voir, mettons, Tombouctou, Mosquée sur Google, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Mais là-dessus, je termine ma chronique en fait en vous laissant avec une artiste malienne que j'aime bien. Rokia Traoré, en fait, ça n'a aucun rapport avec le patrimoine ni avec l'islamisme, mais c'est une artiste. En fait, sa chanson s'appelle Aimer, donc pour apaiser les mœurs et les tensions. Et c'est sûr que c'est pas une grande chanteuse, mais sa voix, je sais pas, elle a un petit quelque chose fait en sorte que je voyage avec elle au Mali puis ailleurs dans le monde. Donc c'est. Je vous laisse avec ma chronique avec Rokia Traoré et Aimer. Merci David. Ben bienvenue, ça m'a fait plaisir. Tant de questions, d'incertitudes, de convictions, et se dire. Fais-moi Fankadi, fais-moi Fankadi, Bila Kili Kanabe. C'était la chanteuse d'origine malienne Rokia Traoré avec Aimé. Voilà, merci David Ferron. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir accueilli encore une fois et j'espère que la situation du Mali vous est davantage compréhensible. Oui, exactement. Et on leur souhaite un pas mal meilleur futur que le présent. Ben, j'espère parce que sérieusement, détruire des beaux trésors, c'est pas juste au niveau esthétique, mais au niveau culturel, au niveau l'identité nationale aussi là, qui est en jeu. Mais je sais pas si les choses vont s'améliorer dans ce coin-là. On dirait que ça s'améliore jamais. C'est comme très... Ouais, j'avoue. C'est pas des bonnes nouvelles là-bas, ça. Non, je sais, mais croisons-nous les doigts puis on va voir ce qui peut se passer dans les prochains mois. Ouais. Dans le fond, c'est comme une ligue de méchants vilains qui se tapent dans les mains à chaque fois. OK, bon, mais c'est beau, j'ai fait 15 ans, c'est ton tour. Ouais. Puis là, il y a comme plein de super vilains qui s'emparent du Moyen-Orient. Belle image. Où sont les super héros là-dedans? Il y a Rocky Traoré qui nous soulage les mœurs. Et voilà. Donc, David Ferron, t'anime la langue dans ton oreille les jeudis à midi. Oui, exactement. Donc, une émission que j'adore animer parce qu'elle diffuse de la musique que moi-même, j'ai l'occasion de découvrir. En fait, c'est de la musique de partout dans le monde au niveau francophone. Donc, Rocky Traoré, justement, c'est une artiste que je diffuse beaucoup. Il y a même une autre chanson que je diffuse d'elle qui s'appelle Zen, qui est vraiment... que j'adore aussi. Puis il y a d'autres artistes maliens que je diffuse, notamment Salif Keita, que j'ai même diffusé aujourd'hui. Mm-hmm. Puis Aladou et Mariam aussi, qui sont les grandes stars du Mali, évidemment. Ouais. Donc, c'est à la langue dans ton oreille, émission majoritairement francophone, culture francophone. Donc, c'est les jeudis à midi, c'est même assez fou. Et puis, on te retrouve la semaine prochaine pour une autre graine de pivot. Exactement. Voilà. Puis, merci beaucoup pour la plug. Ça nous fait plaisir. Je pense que c'est pas mal nécessaire, les plugs comme ça. C'est un bien pour un mal. Hein? On est là pour ça. C'est ça. Ah ben, merci. Donc, on va continuer le palmarès anglophone pour la période du 25 juin, au 8 juillet. On va entendre tout à l'heure Parler et Yukon Blonde, mais on débute en 12e place. Avec Runaway de Plants and Animals en 2e place. Tout de suite là, à la vie croisière à l'assemblage requis, avec Alex et Mathieu. Alex qui se réveille. Do you fear loneliness? Do you fear getting left behind? All your friends are getting married. They're having a ask mine too, and they got no ideas about me and you. I'm hoping that I could be home right now. Right to you. numéro 10. Les figues Newton que je trouve bon, ça. Avec les figues dedans. Ça, c'est quoi aux fruits, ça? Ça, bon, c'est aux fraises. Aux fraises, bien. Ouais. Ça bat pas les framboises. Ouais, c'est bon, mais ça pogne les notes. Je vais te demander alors de ne pas prononcer la prochaine pièce qu'on sait combien d'entendre. Ou est-ce que tu es capable? T'es capable? T'as l'air capable. T'es capable. Ouais. Moi, ça? T'es capable. Moi, je suis capable. Alors, bien entendre Parter avec Do You Remember qui monte de trois places. Ça fait trois semaines que c'est là sur l'album Cook Soul. Et juste avant, on a écouté Stairway de Yukon Blonde. Et juste avant, c'était Runaway de Plants and Animals au numéro 12. Voilà, plus tard, on aura Revolver, Fred et Patrick Watson à entendre dans le palmarès anglophone. Mais avant ça, je pense que tout le monde cherche, tu parlais tantôt de super vilain. Là. Ouais. Moi, je cherche plus un super héros pour régler mes problèmes de la vie de tous les jours. Et ça donne mieux parce que c'est un peu moi, finalement. Ça, bon, on va aller voir toi comme super héros. On va aller voir moi. J'aime ça, c'est bien dit. La collègue, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, où on règle vos problèmes. Comme je l'ai dit, de tous les jours, vous avez un problème par jour, je dirais. C'est la majorité des gens. Ils ont, c'est comme une horloge. À tous les jours, il y a un problème. Il y a un problème. On le règle. On le règle. Livre, là. Donc, commençons par. Tiens, t'es fan de Angry Birds? Comme on tout va le monde. Dire, on va dire. On fasse. T'as eu ça, c'est quoi? Ben, je sais pas, j'ai jamais joué, en fait. C'est nono, hein? Moi, je dirais pas que j'ai eu ça, j'aime pas ça. T'aimes pas ça? Mais ça moi, j'ai jamais joué. Fait que je peux pas avoir d'opinion. Ben, tu fais peut-être bien parce que tu viendrais peut-être accro, on sait pas. Mais donc, c'est ça. T'aimes aussi écrire. Oui, ça c'est vrai. Et c'est connu, t'écris des poèmes en hommage à Angry Birds tout le temps. Tout le temps. petit cochon, tu sais, ça fait la même. Ouais. Ouais. Donc, il te faudrait le crayon Angry Birds avec un slingshot intégré. Non! C'est très, très bien, ça. Donc, c'est un stylo. Évidemment, tu peux tirer des petits bonhommes de Angry Birds sur des petits cochons. Ouais. Ah, c'est le fun, ça. C'est joli. Je veux savoir le prix. Donne-moi le prix directement sur la page. Ce serait le fun. 7$ pour un emballage de 4. 4... crayons. 4 crayons. Oh, ben ça revient pas cher, le crayon. Non. C'est un bon deal, ça. C'est sur Amazon.com. Est-ce qu'ils fournissent les petits oiseaux qu'il faut pitcher? Je vois qu'ils fournissent les oiseaux, oui. Ah, oui, dans la boîte. Non, vraiment pas. Je sais pas, je vois des verts, des bleus, des jaunes et des noirs. Voilà. Donc, c'est les Angry Birds Ballpoint Slingshot Pens. Voilà. Slingshot Pens. Ensuite, t'es fanatique de bébites, je pense, hein, toi, c'est... Ben oui, j'aime tellement ça. T'es flat. Oui. Non, je pense que non. J'ai une phobie des insectes. Moi aussi, j'ai ça. Mais justement, tiens, peut-être qu'à la place de flatter des vrais insectes, parce qu'on a tous envie de flatter des insectes, même si on le ferait pas parce qu'on a peur. Ouais, c'est ça. Ce serait le fun de le faire. Donc, à la place, tu peux acheter, c'est des coquerelles robotisées qui se contrôlent par iPhone. Hein? C'est pas génial, ça? Donc, c'est vite du Japon, évidemment. Hein, tout vient du Japon. 37$. Mais par contre, les commandes internationales ne sont pas possibles. Donc, il va falloir trouver un importateur en quelque part. On a chassera en là-bas. On va s'en acheter. Pourquoi pas. Donc, tu attaches un petit contrôle genre infrarouge à ton iPhone ou iPad. Tu lances l'application qui vient avec. Et puis, ton objet insecte jouet donc est contrôlable avec tes doigts. Donc, tu peux aller à gauche, à droite, en haut, en bas. Et puis... grandeur nature d'une vraie coquerelle. C'est plus gros que grandeur nature, j'ai l'impression. Parce que, en tout cas, je sais pas si le dessin est à l'échelle, mais on voit l'insecte à côté du iPhone et il est quasiment de la même longueur que la largeur du iPhone. T'sais. Mon Dieu, mais c'est un peu trop intense. Mais je sais pas. Peut-être que c'est vraiment, ça a été zoomé. Hein, j'en ai aucune idée. T'iras m'en acheter un. OK. C'est noté. Au Japon. C'est noté. Ensuite, tiens, tu textes pendant que tu marches avec ton téléphone, j'imagine. Oui, ça c'est vrai. Il y en a qui le font dans l'auto aussi, ça peut s'appliquer pour ça. Non, ça je le fais pas, pardon. T'es une bonne fille. Je suis une bonne fille. Genre, c'est fille. Donc c'est ça. Faites pas semblant que vous ne le faites pas, mais vous devez vous procurer ce petit gadget qui est le Fly Grip. C'est quelque chose que tu colles à l'arrière de ton iPhone et puis ça fait une forme en T. Donc vraiment, tu sais, sur ton téléphone, t'as comme la plaque et puis après ça, il sort une genre de petite lamelle, si on veut. Et tu peux insérer tes doigts autour de cette lamelle-là, comme ça, genre, ou comme ça, avec ton index et ton majeur sur la palette de ton iPhone. Et puis, ça fait que ça tient mieux, c'est plus facile, t'auras pas à le tenir avec force ou rien. Ah. Ça va mieux pour pouvoir texter, après ça. Mais en fait, ça l'encourage quand même de texter au volant. Ben, bien sûr. Mais peut-être pas au volant, au moins quand tu marches. Ouais, quand je marche. Okay. Quand tu marches, tu peux avoir l'application, je n'ai pas de son nom, mais il y a une application qui te permet de prendre la caméra de ton iPhone pour te montrer ce qu'il y a devant l'iPhone. Donc, tu textes, mais tu vois. Au travers. C'est magnifique. Ouais, mais moi, j'ai pas d'iPhone, je peux pas faire ça. Ah, ben, loser, hein? Ben oui, je suis loser. 29$ pour ce morceau de plastique en forme de thé. Ensuite, tu bois beaucoup de vin. T'es une alcoolique, c'est connu. Je suis une alcoolique, c'est connu. Je m'appelle Jasmine. Alexandra, je suis une alcoolique. Ah, okay. Bref. Jasmine, t'as pensé à toi. Je sais pas. Sûrement. Sûrement. La roulette chanceuse d'animation ici, ça sacrée ça. Donc, t'es une alcoolique, Alexandra, oui. Et donc t'as besoin de tout le temps avoir ta coupe de vin avec toi. Tout le temps. Ouais. Que dirais-tu de l'avoir autour de ton cou? Oh, mais quelle bonne idée! Excellent, donc c'est un peu un genre de collier de tissu, je crois. Et puis autour, t'as un petit morceau de plastique donc que tu viens clipser après ta coupe de vin. Et puis tu peux tenir ta coupe de vin autour de ton... Mais est-ce que ça tient le vin à l'intérieur ou si je marche, ça va tomber? Ça tient le vin à l'intérieur et je crois même que tu peux marcher avec. Je dirais pas que tu peux courir avec, mais tu peux marcher. Tu peux marcher. C'est sûr parce que dans le fond, si tu mets du vin, t'en mets pas dans la coupe jusqu'au bord. Non, non, c'est ça. Tu mets juste le tiers ou le quart, donc ça devrait être bien. OK. 25$ pour un ensemble de deux. Un ensemble, oui, de deux colliers. Voilà. Ensuite, ça c'est un problème que j'ai, en fait que j'ai pas vraiment parce que je mange plus de margarine que du beurre. Est-ce que tu manges du beurre pour commencer? Moi, je mange du beurre et j'en mets partout. Sur comme? N'importe quoi. Dès qu'il y a une recette ou des légumes, des patates, je peux pas manger ça sans beurre. Bon, ben, tu vas être contente d'apprendre que ce gadget-là existe parce que tu sais, des fois, du beurre, c'est trop solide. Oui. Et qu'est-ce que tu fais quand le beurre est trop solide? Tu mets au micro-ondes? C'est pas évident. Tu passes le couteau à l'eau chaude, quelque chose de genre? Ouais, c'est pas... Il y a plein de trucs, mais... c'est pas efficace. C'est pas gagnant du tout. À la place, il vous faut ce merveilleux couteau auto-chauffant. Oui! Auto-chauffant! Enfin! Enfin! Donc, on vit dans une société qui a besoin de tous les petits luxes. Et donc, le Toasty Knife, inventé par le fabricant de pain Warburtons au Royaume-Uni, il y a un élément chauffant à l'intérieur de la lame, et puis ça amène la température du couteau à 41,8 degrés Celsius ou 107,2 Fahrenheit, qui est apparemment la température parfaite pour faire fondre le beurre quand tu mets ton couteau dedans. Donc, ça fait ça en 20 secondes, arriver à la bonne température, quand tu appuies sur un bouton sur le couteau. Tabarouette! Ils ont pensé à tout, là. Apparemment, vous allez pouvoir donc tartiner votre rôti, votre tartine, hein, en dedans de 30 secondes, même le chauffage, genre du couteau. Ouais. J'essaie de comprendre. Chauffage compris. C'est comme un appartement. Oui, c'est ça. Chauffé éclairé. Mais il n'y a pas de petite lumière. Ah, c'est boche, ça. Donc, pour l'instant, c'est un prototype et on ne sait pas encore si ça va être produit ou commercialisé, mais on sait qu'au moins l'idée a été eue. Et donc, ça pourrait... Ça pourrait se faire, puis je pourrais en acheter, éventuellement. Ben, tu vas pouvoir remplir ton tiroir au complet de... De couteaux chauffants. On sait pas combien ça coûte, couteaux... Non, c'est ça, en fait. Mais moi, vraiment, ça doit pas... Ça doit être assez cher. Ça doit pas être abordable. Maintenant, changeons complètement de focus, même si peut-être que les enfants aiment ça, les tartines. Parce que là, on va parler d'enfants, t'sais. Oh, OK. On a un beau lien. J'essaie de transitionner ici. Donc, apparemment que ça arrive de laisser son enfant dans sa voiture... En oubliant de le sortir de là. Je sais pas comment tu fais ça, d'oublier que t'as un enfant, là, mais bon. Écoute, il y en a qui réussissent pareil. Et voilà. Donc, c'est pour ça que le Childminder a été inventé. Hein? C'est un petit gadget que tu installes dans ta voiture. Et puis, en fait, c'est un ensemble de gadgets, je crois. Parce qu'il y a un élément... Pardon. 3 semaines, je pense, de suite. Ça s'en va pas du tout. Donc, c'est un élément que tu mets sur le siège de la voiture. Je crois, en tout cas, c'est mal expliqué un petit peu. Il y a comme une clip, genre, que tu mets sur la... Je sais pas si c'est sur ton enfant en tant que tel, mais genre, aussi que tu vas t'éloigner de plus de 15 pieds, ça va se mettre à sonner sur toi. En tout cas. OK, pour te rappeler que... Oh, t'as un enfant, hein? Exactement. Tu viens d'oublier dans le char. Il y a une affaire par rapport au poids aussi. Donc, je sais pas trop exactement comment ça fonctionne techniquement parlant, mais il y a une affaire de poids. Donc, si... S'il y a encore du poids sur le gadget et que tu t'éloignes pendant plus de 15 pieds, alors que si ton enfant est plus dedans, il n'y a pas de poids, ben tu t'en vas à plus de 15 pieds, ça sonnera pas, tu sais, vu qu'il n'y a pas de poids. Je pense que c'est comme ça. Mais bref, ça commence à 70$. C'est le Childminder Baby Alert System. Voilà. Ensuite, t'aimes la pizza? J'adore la pizza. C'est une question qu'on a comme pas vraiment demandé parce que qui n'aime pas la pizza, ça? Tout le monde aime la pizza. C'est comme un mets universel. Et voilà, tout le temps le préféré de tous. Mais que dirais-tu de manger une pizza en forme de cornet? Le cornet! C'est intéressant, ça. C'est intéressant, pas mal. Et tu vas pouvoir le faire toi-même. C'est vrai. Donc, ça s'appelle... Attention, comment ça s'appelle, cette affaire-là? Ah, j'ai pas le nom de faire. Donc, tu fais la pâte de la forme normale d'une pizza, mais c'est beaucoup moins grosse parce qu'il faut que ça rentre dans le petit gadget après ça. Donc, tu fais ta pâte. Tu utilises le petit machin pour découper de la bonne grandeur. Après faire une fente dedans, le plier en genre de comment t'appelles ça, pas un prisme, comment t'appelles ça, un cylindre, non, pas un cylindre, une pyramide, je pense. Cherche un peu loin. Attention. Troisième. Ouais, ça va pas mal. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça. Donc, tu coupes de la bonne forme, tu mets ça dans le petit genre de rack et puis tu rentres le cône. C'est un cône que je cherchais. Un cône. Le cône. Donc, tu rentres le cône là-dedans, ça fait exactement la bonne forme et puis après ça, tu le mets, je crois, au four et puis tu mets les garnitures dedans ou peut-être que tu mets les garnitures dedans avant de mettre au four. Au four, ouais. On se comprend. Donc, 6 à 7 minutes et puis ça fait une pizza en forme de cône. C'est ça. Ah, attends, non, c'est ça. La raison, c'est que tu le fais chauffer. Après ça, tu mets les garnitures et après ça, tu le refais chauffer. OK. Tu le fais chauffer deux fois. C'est ça. Ça a l'air long, mais ça a l'air bon aussi. 25$ pour l'ensemble, pour tout faire de ces pizzas en cône. Intéressant comme mets exubérant. Exotique, t'allais dire. Oh, elle est caliente, la pizza. C'est bizarre que je cherchais le mot cône parce que j'ai dit le mot cône au début. ensuite, un app. Ah, tiens. Hey, un instant encore, je m'excuse. Je me suis pas amené d'eau, là. Ça paraît. Sur YouTube, t'as des vidéos en 3D maintenant. 3D? Oui, les vidéos en 3D, ça peut convertir tes vidéos en 3D. Mais par contre, pour voir les vidéos en 3D, c'est difficile parce qu'il faut des lunettes 3D, etc. Est-ce que les lunettes qu'on peut avoir, mettons, quand on va voir Madagascar en 3D? Bonne question, je sais pas. C'est une très bonne question. Moi, ce que j'ai à la place, c'est un appareil qui ressemble un petit peu à un Viewmaster. Tu te rappelles le Viewmaster? C'est le gadget que tu mettais devant les yeux et puis tu changeais avec le clic-cling, le bouton. Oui, oui, oui. C'est le même genre de choses. À la place, tu insères ton iPhone dans le Viewmaster. OK. Et là, tu insères ça devant tes yeux et puis ça va par le processus là, de la magie, là, de la technologie. Ça va te diffuser l'image de gauche à gauche et l'image de droite à droite et puis tu vas pouvoir, dans tes yeux, voir le 3D. Ça va, tabarouette. Ça coûte 25$ pour avoir cet effet 3D-là sur votre iPhone. Évidemment, l'iPhone n'est pas inclus. Hein? Ben non, hein? On insère ça. Dommage quand même. 25$, c'est bon deal. Ouais, ouais, ce sera pas pour moi. Mais parlant de pas pour moi, le 3D, je pense que c'est pas vraiment pour moi non plus. Hein? Non, je suis pas une fanade de 3D vraiment. Là. Rarement très efficace. Ça a été efficace pendant le film Dragon. Ah moi, oui? J'ai bien aimé. Ah, pouf ça. Sinon, c'est tout. Film de Disney, ça? Pour avoir... Non, DreamWorks. DreamWorks, okay. Maintenant, tiens, tu cherches dans ta vie à avoir un petit peu de variété. Tu aimes ça, les affaires qui flottent dans les airs, tu sais? Tout le temps. Ça flotte, c'est le fun. Ça flotte, c'est le fun. Yeah. Pourquoi ne pas avoir une tasse qui a l'air de flotter, tu sais? Ben en fait, ça flotte pas du tout, là, mais ça a l'air de flotter. Ça a l'air de... Parce que la tasse, son... comment t'appelles ça? La poignée, il y a un nom pour ça? Lance. Lance, merci beaucoup. Donc, lance de la tasse va jusqu'en dessous de la tasse et forme la surface sur laquelle ta tasse a l'air de flotter. Je pourrais aussi juste te montrer c'est la photo. Un là. Peu, Donc, l'anse de la tasse va jusqu'en dessous. Oui. Et il y a un espace. Il y a un espace entre l'espèce de sous-verre de la tasse et le fond de la tasse. Oui, ou on pourrait appeler ça, comment t'appelles ça, la petite assiette? Un sous-verre. Non, il y a un mot pour ça. Une assiette à café. La petite assiette, là. La soucoupe! Oh, pardon, OK. On cherche du vocabulaire aujourd'hui. On n'a pas de vocabulaire. Là. Du tout, du tout. Mais par contre, tu sais qu'est-ce qu'il y a du vocabulaire dans la vie, Alexandra? Un livre du vocabulaire. Je cherche pas plus loin que ça. Il y a un livre, ça a du vocabulaire. Mais tu t'ennuies d'avoir l'odeur du livre sur ton iPad, sur ton Kindle, ton Costco, ton Kobo, ton Scooby-Doo. Qu'importe, livre numérique. Peu importe. Ouais. Tu peux maintenant recréer l'odeur du papier sur ton appareil électronique avec Paper Passion. Mais là, y a-t-il différentes senteurs? Parce que les papiers sentent pas tous la même affaire. Je suis sûr qu'ils ont même pas pensé à ça en plus, parce qu'il y en a juste un. Ce que je vois, là. Mais moi, là, je suis déçue parce que du papier glacé puis du papier de livre anglais, là, c'est pas la même affaire. Ah, j'avoue, dépendant du pays d'origine et tout ça, et l'épaisseur peut-être aussi. Ah oui, oui. Qui a touché au livre. Vous pouvez en avoir un pour chaque personne qui a touché à ce livre-là. Non. Non? Odeur de livre emprunté à la bibliothèque pendant 5 ans? Allez, non! Donc, Paper Passion, c'est ce parfum que vous pouvez acheter. Et puis, ça coûte 98$ pour une bouteille. Ah, mais ben voyons! La bouteille vient dans un faux livre. Tu sais, un livre, mais que... Ben oui, mais là... Ben c'est cute, ça! Ben c'est cher! Mais non, c'est cher. Tu achètes un livre pour ben moins. C'est l'odeur qui vient avec. Tu mets à côté de ton Kindle. Ben oui! Au pire, tac ton Kindle à ton livre. Puis, ouais, non, problème réglé. Voilà. Et voilà. On traque tellement ça facilement. Est-ce que t'es fan de Futurama? Non. Non? D'accord, dommage. Bon, mon copain aime bien ça. Là. Cool. Faudrait que j'y en parle. Oui. Donc, Futurama, t'es pas fan, mais est-ce que t'es fan de Yadzi? Le non. Jeu de société. Non plus. Ça va pas bien pour J'suis mon gadget. Je suis pas fan, hein, aujourd'hui. C'est pas grave. Donc, c'est Futurama Yadzi. C'est la compagnie Tingy qu'on connaît. Tingy. Oui, ben oui. D'ailleurs, j'ai commandé 80$. Je vais me passer cool. Là-dessus. Il va falloir que tu m'expliques ce que t'as oui. acheté. Donc, Tingy qui a mis à jour le jeu de Yadzi avec un petit peu de Futurama dedans pour essayer de ramener le jeu à un public un petit peu plus jeune et donc de lui enlever son association aux personnes âgées, ben oui, aux greniers ça. Dans des ben, boîtes. Moi, j'avais Yadzi Pokémon chez moi. Arrête donc! Oui. Hey, t'es... J'avais Monopoly Pokémon aussi. Cool! Ils ont essayé de faire... Ils ont essayé. De rajeunir le jeu. Pas sûr que ça a marché tant que ça. Donc, vous brassez les dés dans la tête de Bender. Grosse tête de Bender, super réussi, donc tu renvoies ça. Et puis les dés ont dessus les faces de, à la place d'avoir des chiffres, des lettres, c'est quoi? Dans il me semble que c'est des chiffres. Des chiffres, hein. Oui, c'est ça, c'est pas... c'est quoi le jeu avec les chiffres, là? Dans un... dans les jeux, le jeu avec les lettres, là. Le Boggle. Boggle! C'est ça, exactement. Donc, je disais, les faces de Fry, Leela, Amy, Professeur Farnsworth et Dr. Zoidberg. Et donc, Futurama Yadzi qui joue exactement comme l'original avec des faces. Et puis, chaque emballage... contient la tête de Bender, les dés, des papiers, des crayons. Vous pouvez aller voir les photos sur assemblagerequipe.com. Ça coûte 20$. Tabarouette. Et quand même. Il nous en reste deux rapidement. Une façon facile de cacher tes pets, tes flatulences. C'est le désodoriseur de flatulences jetable qui, qui porte, en fait, qui est présenté par la compagnie Colonial Medicine. Un paquet de 10 disponible pour 30$ seulement. 30$ pour cacher vos flatulences avec un parfum. Il y a combien parfum. De sachets de jetables dedans? C'est 10. 10 pour 30$? Ouais, c'est comme des genres de Kotex, comment t'appelles ça? Tu sais, le fait sur le long rectangulaire, le sans, juste rectangulaire, pas d'aile. Ouais. ça va à l'extérieur du vêtement, en tout cas sur la photo. À l'extérieur du vêtement. Puis tu le déclenches comment? Dès que tu pètes, tu déclenches ça? Je crois que c'est à peu près ça. Ça, en tout cas, ça ressemble à un bout de tissu, donc j'imagine que c'est ça. Ça se déglanche à l'odeur. Ça se déglande. c'est vraiment cute. En plus, ça paraît pas. Ça paraît pas. Mais quand t'as une soirée importante et que t'as beaucoup de gaz, là, ça pourrait être utile. Oui, mais là... Il nous en reste un dernier avant que je parle la voix complètement. Toute la semaine, ça va très bien, tu sais, mais je parle jamais. Ben, c'est ça. C'est ça le problème. Parle 20 minutes de suite, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Tu te considères hipster? Peut-être? Oui, je suis une hipster. Bon, tu sais, on se le dit, on dit rarement, hey, je suis hipster, mais quand on te demande la question. Partiel, là, mais oui, je pourrais me. Ouais. Te classifier, là. Ouais, je pourrais me classifier, là, ouais. À un certain moment. Donc, t'aimes la Pabst Blue Ribbon, la bière. Ça va ensemble, je pense? Oui, effectivement, c'est. Tu dis oui. Bière à savoir le pipi? Ça. Ben oui, t'en parleras si mon fils B. T'es pas un grand fan de Pabst Blue Ribbon? Un grand fan de Pabst. Si tu veux avoir l'air encore plus hipster, tu sais, juste avoir sa canette de Pabst, c'est pas assez, là. Il faut que ta canette, elle ait une chance, elle peut avoir une barbe. Oh dorénavant. Mon Dieu. Oui, c'est les Handmade Can Beards, donc des barbes pour canettes, qui sont placées en première place du 2012 PBR Craft Show. Pabst Blue Ribbon Craft Show. Un genre de spectacle de bricolage, de galas. Ben oui. Puis tu peux mettre de la moustache sur ta bière. Ben, c'est que ça vient avec un élastique de la largeur à peu près d'une canette. Une et puis canette. Tu peux l'enfiler. Dans le fond, tu pourrais faire une moustache à une Molson Dry. Oui, tu pourrais faire un molette à une Coors Light. Ben ça. Voilà. C'est bon, hein? Extensible. Je sais pas si tu peux avoir la barbe, la moustache et la molette en même temps. Ça devient très, très poilu, tu sais. Tu bois ça, c'est comme, une boîte de Kleenex. Est-ce que c'est une barbe dessinée ou c'est une vraie barbe en poils synthétiques? Une barbe, ça m'a l'air d'être du poil synthétique. Mon Dieu, OK, c'est du poil synthétique. C'est pas une image. Là. Non, mais j'aimerais ça s'il la faisait avec des vrais poils. Hein. Ah, c'est des rallonges de cheveux là, pour les filles. Là. Ben oui, c'est mais... avec des vrais cheveux, ça. Ben je sais, mais il y a comme des dons là, pour ça. Faudrait que fassiez comme une levée de fond de dons pour faire des vraies barbes sur la bière. Exactement. Faites ça. Défi. Défi. Pour cet automne, Movember. Ramasse. Pour ta Pabst Blue Ribbon. Voilà pour la chronique 5 minutes, ça devrait répondre là. C'est demain. C'est demain. Ça finit sur une note moulette barbe. Ben voilà, quoi. On aime ça. Ben oui. C'est toujours à la vie de croisière d'assemblage requis. On va continuer le palmarès anglophone avec, entre autres, plus tard, Patrick Watson et Fred, mais on va débuter en 9e place ce coup-ci. Oui, pardon, non, je sais tellement, mais. Revolver? Ben oui, c'est ça, c'est Revolver avec The Letter. Bon. En 9e place. On écoute ça, puis on revient après. On revient après. On va me réveiller encore. Knock me down with a feather when you gently say in a delicately scented letter you were gonna go away. And for the very first time in my life I knew what those words could mean. Although you kind of took me by surprise, I felt you made yourself quite clear. In the train to the country, I couldn't really hide away. I was stuck with my memories and thought that it would never end. And when I finally got out the train, was hunted by a scary thought that if all good things come to an end, our love was shattered by my fault, all because of a lie. You don't feel better, tell me what I should have said. Talked about the weather inside out a rainy day. So many days, nights, wasting away my time and my doubts. Now I'm not the same person. I wanna start it all again. So many days, there's so many nights, you know, wasting away my time and my doubts. Oui, on vient d'entendre The Letter de Revolver, qui était en 9e position, qui a fait une belle hausse parce qu'il était en 12e position la semaine dernière. Mm-hmm, c'est la fin de cette heure de la vie de croisière d'Assemblage Rocky. Nous en reste encore la moitié, deux autres heures. Et plus tard dans l'émission, on aura entre autres Simon Fitzbé avec sa chronique pour les nuls. Et de quoi il nous parle aujourd'hui? De cuisine moléculaire. Oui, évidemment. Mais quoi oui. d'autre? Hein? C'est... Mais moi, je trouve ça super intéressant. J'ai hâte de savoir vraiment concrètement dans la vie comment ça a l'air, comment ça goûte. Vous allez voir. Il nous a pas apporté de chance. Ben non, je pense pas, c'est vraiment compliqué. Hein? Moi, j'ai un de mes amis qui est super intelligent. Puis, parce que tu sais, j'ai juste des amis intelligents. Évidemment. Puis, essayer d'en faire, c'est pas évident. OK. C'est pas évident. Bon, on va en apprendre plus avec Simon Fitzbé tantôt et Justine Renaud sera avec nous à la fin de la prochaine heure pour sa chronique lesbienne, lesbéton. Plus tard aussi, c'est un fait. Sébastien Dulude avec Va voir, j'y suis et tu manges mon cœur avec Alex et moi. Oui. Restez là. Oui. Assemblage requis. Oui. Oui. C'est assez fou pour l'écouter. 89 ans. David Croisière d'Assemblage Requis pour la semaine du 2 juillet 2012. Alexandra Carignan, toujours avec moi. Et Mathieu Plante. Hey ho, hein? Hey ho, let's go. Hey ho, let's go, comme dirait Zach et Cody. Et Cody. En fait, je sais pas c'est qui fait la chanson thème de ça. Je pense que c'est un artiste nowhere qui se spécialise non, dans non, les. Non, je sais c'est qui. Tu sais, c'est qui chante la chanson thème? Je m'en rappelle plus son nom, mais oui, là, il a même été d'ailleurs sur la trame sonore du film d'Anna Montana. Wow! Oui, ben je suis une grosse geek de tous les trucs Disney, de même. Finalement. Ouais. Et mais ben, pas Disney, les films de bonhommes, mais les films High School Musical, Camp Rock. Ça aussi, j'ai vu ça par contre, les High School Musical. C'est pas mauvais, ça. Ben non, c'est bon. Moi, j'aime ça. C'est bébé, mais c'est pas mauvais. Alors, c'est bien produit. Hein? Ça coûte cher. Oui, oui, c'est ça. La distribution est... Mais le premier est vraiment pas bon, là. Bon. Mais le 3 est vraiment pas bon. Contre ma Vanessa Hudgens, OK? Ben, elle est très bonne. Ouais. D'ailleurs, dans Sucker Punch. Oui, apparemment, hein? Apparemment. Tu l'as pas vu? Pas encore, non. Ça vaut la peine. Fait qu'on est passé de Zach et Cody à Sucker Punch. Sucker Punch. Un autre niveau. Donc, toujours dans le palmarès anglophone pour la période du 28 juin au... c'est dur à dire. 25 juin au 8 juillet. Bon. Oui, je me créerais comme un policier. donc, on va l'entendre tout à l'heure, Patrick Watson en 7e avec Into Giants, mais on débute en 8e. Avec If Not Now, When, de Fred. Ben là. Fred, là. Fred, là, Fred. C'est là, Fred. Fred Caillou. Fred... Peut-être pas. Ben, y a pas de nom de famille, on sait pas. Non, c'est juste Fred, hein? Fred. Fred. Frédéric, chose Fred dans Réalité dans le temps. Ah oui, Stéphane Bellard. Stéphane Bellard. Hey, j'ai changé de numéro de téléphone à la maison, OK? Parce qu'on a le téléphone depuis très récemment. Okay. C'est le même numéro que l'ancien Théâtre des Marguerites. J'arrête la chanson ici, parce que ça vaut la peine. Donc, je me fais appeler à tous les jours, littéralement, au moins une fois par jour, OK? Oh. Et on me demande, Stéphane Bellavance, s'il vous plaît. Hey. Je te jure, mais je pense que c'est fermé, le Théâtre des Marguerites. Ben, c'est fermé depuis 2 ans. Genre, mais à tout... les, littéralement, jours de la semaine. Je reçois un téléphone pour ça. Mais ça tente pas de changer de numéro? Il va falloir. Ouais. Ça fait 6 mois que je l'ai, tu sais. Littéralement, tanné un peu, tu sais. J'en ai sûrement raté plein des téléphones, là. Mais ceux que j'ai eu, c'est comme... Peut-être qu'ils veulent t'envoyer des chèques, tu devrais là. Ça serait le fun. Ou peut-être qu'on leur doit de l'argent. Peut-être pour ça qu'ils ont fermé aussi. On sait pas. Avant, j'avance des affaires. Je belle avance des affaires. On le sait pas. je belle avance des... Tabarouette. Ouais, c'était mon histoire. Ça va, hein? Cups to go. Parce que c'est le seul dans la distribution d'entre amis qui est la, qui est dont le préféré est David Schwimmer. C'est pas mal la seule. J'aime David Schwimmer. C'est Ross dans entre amis. Donc, Ben oui, d'ailleurs, c'est la seule raison pourquoi j'ai écouté Madagascar. C'est parce qu'il fait la voix de la girafe. Ah, tu vois, je savais pas ça. Elle a regardé les yeux fermés. En anglais, tout le long. Oh, m'imagine. Hey, parlant de voix, là, moi, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui ne peut pas supporter la voix de Ray Romano dans Air de glace? Je suis pas capable. Il fait le genre de gros mammouth. Je l'ai pas écouté en anglais. Hey, il est fatiguant, ce gars-là. La voix de Ray Romano. Ouais, non, non, c'est grave. Ouais. Ouais. Même pas capable d'imiter Ray Romano. C'est impossible. Donc, vous l'avez entendu, c'est Simon Fitzbay qui vient d'arriver. Lui qui a pourtant une voix qui pourrait facilement faire des dessins animés de classe, hein, pour vrai. Tu pourrais faire ben des... oui. Non, pour vrai. Ah oui. Tu pourrais doubler, hein? N'importe quoi. Ça me ferait plaisir. Ouais. Tu pourrais doubler Ray Romano en français. Non, c'est, c'est pas un compliment, ça, là, là par contre. Donc, on accueille Simon Fitzbay et voici tout de suite sa chronique pour les nuls. Bon, Fitzbay, avant de commencer dans ton... bonjour. Oui, bonjour. Très bien, bonjour, messieurs, mesdames. Où sont mes manières? Ben, c'est juste monsieur et elle, c'est madame. Moi, c'est madame. Madame, monsieur. OK. Chacun son bar. Donc, Simon, avant de parler de gastronomie culinaire moléculaire, etc. C'est comment le terme spécifique? Gastronomie moléculaire. D'accord. Avant ça, je sais que c'est pas nécessairement de ce dont tu voulais parler, mais j'en ai parlé moi-même et j'ai pas le choix de te demander la question. Qu'est-ce qu'un boson de Higgs en 30 mots? Un boson de Higgs, en fait, c'est le fameux chaînon manquant entre ce qui donne de la masse à la matière. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est même pas observable, c'est seulement ses résidus, puisque c'est comme vraiment très... Ça existe pendant un moment extrêmement court. Et c'est ce qui fait que on est ici et on n'est pas à la vitesse de la lumière parce que tout dans l'univers va à la vitesse de la lumière. Tout est lumière. Et là, ça te donne du poids pour que tu ralentisses, dans le fond. Pour que la vie ait la durée qu'elle a. Ouais. Vous savez, ça, je l'ai incorporé dans mon intro, mais bref, on peut en parler un peu. Ils disent que ça fait 48 ans qu'on sait que ça pourrait exister. C'est une théorie. Et là, c'est encore au niveau de la recherche fondamentale. Donc, ça peut prendre encore un autre 48 ans avant qu'on y trouve une application ou avant qu'on décerne vraiment à quoi ça sert. Donc, je pense qu'on s'excite le poil des bras un peu trop rapidement. D'avoir, parce qu'il convient de... C'est d'avoir découvert quelque chose, essayer de lui trouver une raison d'être et une façon de... Peut-être un peu trop rapidement. Eh bien. Donc, c'est le boson de Higgs. Boson de Higgs. Mais ce n'est pas le sujet de ta chronique d'aujourd'hui. Non, j'aurais bien aimé. Eh bien, mes chers nuls, oui, c'est avec la meilleure des intentions du monde que j'ai essayé de... En fait, j'ai passé une partie de la soirée à tenter de comprendre ce que représentait le boson de Higgs. Ah, mon intro. Je m'excuse d'avoir volé le punch. Non, non, c'est correct. Je pense que t'avais changé. Outre le fait qu'il s'agisse d'une fameuse particule plus petite qu'un quark et qui donne à toute matière de l'univers sa masse afin de la propositionner, oui, dans l'espace. Je ne peux vous en dire beaucoup plus sans que d'abondants saignements de nez s'écoulent de mes narines. Et même une fois expliqué, on n'aurait pas tellement plus compris une fois l'explication donnée. Non, c'est ça. Parce que c'est trop. J'aurais peut-être dû saigner du nez comme ça, ce que j'ai pris dans la narine peut-être sortirait. En tout cas, c'est un enfer. C'est un calvaire, hein, quand t'as quelque chose de... T'es pas capable de l'enlever. Oui, c'est bon. Donc, afin de pouvoir vous offrir une chronique qui ne serait-ce qu'un peu complète et cohérente, on va essayer, j'ai pris la décision de finalement faire une chronique basée sur une suggestion de Miss Alexandra Carignan, qui m'a fait lundi, donc cette suggestion, entre deux bouchées de poutine au bacon, soit... T'es bonne. Laquelle de où, là? Ben, en fait, je suis allée au McDo, puis j'ai demandé un extra bacon sur ma c'est poutine. C'est toi, ça, c'est toi. Mais saviez-vous que chez Burger King... Parenthèse ici. Il y avait, je sais pas si c'est encore le cas, mais hamburger et poutine avec sauce à saveur d'érable dedans. Oh et il y avait God. Du bacon dedans. Donc ta poutine est elle érable et au bacon, t'es écœurant. Faites la parenthèse. Voilà. On enlève le goût de manger de la poutine, c'est bon. Donc, soit la cuisine moléculaire, ce qui est pas si loin de la physique quantique, hein, quand on en recherche fondamentale, mettons. On va dire, disons. Ouais. Donc, la cuisine moléculaire ou gastronomie moléculaire est une des modes culinaires qui est née de la glorieuse décennie des années 90, hein, où on commençait à découvrir le sushi d'une certaine façon aussi. Et, les Ninja Turtles, c'est bien la mode. Ninja Turtles était à mode. Alexandra commençait à écouter des Backstreet Boys. Elle en écoute toujours encore. Ouais, j'ai pas arrêté. Mais c'était la belle époque du début de... La meilleure époque. Oui. Donc, ça vient en fait de la rencontre de Nicolas Curti, qui est lui physicien, et Hervé Tis, qu'on nomme le vrai père de la gastronomie moléculaire. Donc, qui lui est physiochimiste. Ils ont compris en fait qu'un champ scientifique pouvait utilement être identifié, non pas à l'étude des aliments, mais spécifiquement dans l'étude scientifique des phénomènes culinaires. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on met ça avec ça d'une certaine façon et d'un autre? Je vais pas me plonger directement dans tout ça parce que ça pourrait être assez compliqué et assez long, mais bref. Ça procédait en fait, les deux ont fait des recherches sur le processus physico-chimique mis en œuvre par les méthodes empiriques de l'art culinaire. Ils élaborèrent donc à partir de 1985 leur collaboration fructueuse qui allait prendre fin à la disparition de Curti en 98 à l'âge de 90 ans. Donc, c'était pas un petit nouveau dans le monde de la physique. C'est un peu comme un projet de retraite pour lui, en fait, Curti. La terminologie, donc, gastronomie moléculaire et physique étant trop encombrante, Tis a décidé de l'appeler gastronomie moléculaire. Et ça se réfère, ça, à la biologie moléculaire qui est née en 1934 de Warren Weaver, qui était directeur de la National Institute of Health. Ça, c'est avec l'accent d'origine. Là. Health. Health. Ouais. They talk like that. Bref. Le programme initial, en fait, a été publié par Hervé Tis en 1996. C'était le titre, en fait, s'appelait « La gastronomie moléculaire et physique ». Ça a été publié à l'Université de Paris 6. Mais par contre, ça a été libellé comme un livre de chimie. Donc, pas les chefs qui se sont lancés là-dedans tout de suite. Là. Ça faisait le recensement de l'exploration physico-chimique des conditions, des dictons culinaires, la modélisation pratique et culinaire en vue du perfectionnement, les outils, les méthodes, les ingrédients dont on va parler dans quelques instants, en fait. Dans le fond, on pourrait pratiquement sauter là-dessus, à moins de souligner avant que ça a été vraiment diffusé au grand public, cette musique. Je suis habitué de faire encore trop de chroniques musicales. On revient là-dedans. Ça a été diffusé sur une émission de télé d'abord qu'Hervétis avait sur la station de télévision France 5. Il faisait donc des essais de cuisine moléculaire à l'époque là-bas et c'est comme ça que c'est devenu si populaire. Mais il y a des techniques à utiliser au niveau de la cuisine moléculaire et nous allons justement nous lancer là-dedans tout d'abord avec la sphérification. Donc la sphérification, c'est la technique la plus représentative et la plus spectaculaire de la cuisine moléculaire. C'est une nouvelle technique qui permet de réaliser caviar, ravioles et tout autre bille à partir d'aliments courants. Le principe est de réaliser une gélification contrôlée d'un liquide et le plonger dans l'eau afin de donner une forme sphérique de la taille dont on souhaite. C'est-à-dire qu'avant que la gélatine gèle, on la fait tomber dans l'eau comme si ça fait une bulle, une sphère parfaite. Et ensuite, on a juste à égoutter le tout. Il tombe dans le fond avec une genre de seringue pas d'aiguille. Okay. Ça tombe, puis ça fait une boule. C'est comme ça qu'ils font la poutine en boule, la chose. C'est où, là? Il y a une poutinerie qui fait ça, de la poutine en boule. Ben, une poutine, c'est ça, une poutine moléculaire, ouais. Oui, il me semble, déjà, d'avoir... Avec la sauce dedans, et puis des bouts de frites. Oui, exactement, parce que, faut dire, une des trucs assez intéressants avec la cuisine moléculaire, on va y revenir là-dessus dans les techniques, c'est que on change aussi la texture de ce qu'on mange. Ça garde un goût qui est très, très semblable, mais qui est complètement... texturé différemment. Et entre autres, on fait ça grâce à la gélification. En fait, c'est utilisé depuis super longtemps dans la cuisine. On utilisait des feuilles de gélatine, mais on a commencé à utiliser en fait l'agar-agar dans les cuisines qui a permis à la gélification d'évoluer en se faisant plus rapidement, entre autres. C'est les nouveaux gélifiants qui proviennent d'algues. Donc, non seulement on change les méthodes, mais on va aussi chercher plus loin que les méthodes de nos grands-mères dans la cuisine moléculaire, la gastronomie moléculaire. C'est ce qui est le plus incroyable. On fait également de l'émulsification, bien sûr. C'est un procédé qui n'est pas nouveau. En fait, ça a commencé à exister au 18e siècle. Vous savez ce que c'est, l'émulsification? Pas tant, non. Désolé. C'est faire une mousse. Ah, OK. C'est de battre jusqu'à temps que ça devienne en mousse, en neige, ou peu importe. En fait, ce qu'on fait avec dans le milieu de la cuisine moléculaire, c'est qu'on va changer la texture dans le fond d'un aliment en le faisant lever en mousse ou en neige ou peu importe. Et ça fait également partie de la même technique que l'épaississement. C'est-à-dire qu'on épaissit les plats, les sauces, les crèmes donc on fait ça avec de la farine ou du fécule. Du starch. Oui, exactement, dans la cuisine normale, bien sûr. Cette technique, bien qu'efficace pour obtenir les consistances souhaitées, en quelque sorte, a des petits inconvénients. Afin d'épaissir une sauce, donc il faut ajouter une grande quantité de fécule, ce qui souvent altère les saveurs du plat et des aliments. La cuisine moléculaire, elle permet ainsi de faire des nouveaux produits comme avec la gomme xanthan. Ça épaissit les plats en gardant le goût original. C'est-à-dire que là, on n'a pas plein de starch, de farine dans notre sauce qui vont complètement changer. C'est que ça salit le comptoir du starch en plus. Ouais, exactement. Moi, j'abuse de tout ça. Là. Mes sauces sont jamais comme que je veux. Corn starch. C'est pas bon pour les artères. Ah non? Non. Faudrait que tu achètes de la gomme xanthan. La gomme xanthan. Je sais pas maintenant, c'est beaucoup plus disponible dans le grand marché. Justement, on va parler de ces ingrédients-là que je vous ai nommés là, dans les méthodes. Il y a tout d'abord l'agar-agar qui est d'origine indonésienne. Indonésienne. Indonésienne. Indonésienne, voilà. Mais maintenant, en fait, dans les low blasts, dans les trucs, il y a tout le temps une allée comme internationale. International, yeah, worldwide. On peut-être en trouver dans ces places-là. Probable. Et low blast est devenu un commanditaire de l'émission. Oui, ben maintenant, il achète la pub, hein, ça n'a pas le choix, on t'a mentionné. Fait que, la vidéo, on met de l'argent. Donc, il y a l'agar-agar qui est une substance gélifiante qui provient d'une algue rouge qui est régulièrement utilisée dans l'industrie alimentaire. C'est parfait pour remplacer la gélatine animale. Et c'est les Japonais qui ont été les premiers à utiliser les extraits d'algues rouges dans l'élaboration des pâtisseries sous forme de barre ou de poudre. L'agar-agar a ni goût ni odeur. Hein? C'est un liant, donc ça fait juste lier les trucs ensemble. Les molécules se rattrapent ensemble. C'est un peu comme du tapioca sans être du tapioca. Du tapioca, c'est pas bon. Ah non, super bon. J'ai ça. Ah, ma blonde aussi, elle déteste ça. Moi, j'adore ça. Moi, j'aime ça. Dire... Maxime aussi, il y a ça. Ah, okay. Moi, j'aime ça. On se fera un party de tapioca. Non, ça, la moitié de chaque couple. Côté tapioca, puis côté pas tapioca. Et donc, on l'utilise, bien sûr, en cuisine moléculaire afin de réaliser les gélatines et les mousses chaudes. Parce que quand on émulsifie quelque chose, généralement, il faut que ça soit chaud. Mmh. Puisqu'à froid, ça ne le fera pas. Il y a également l'alginate, oui. C'est comme l'agar-agar qui se trouve sous forme de poudre blanche qui provient d'une algue. C'est également largement utilisé dans l'industrie alimentaire comme additif. Elle permet également de réaliser des plats onctueux, mais surtout d'excellents épaissants, oui, gélifiants et émulsifiants dans la cuisine moléculaire. Elle est surtout utilisée pour la sphérification et permet la réalisation de caviar, c'est-à-dire de billes ou encore de sphères, de ravioles, etc., qui peuvent être faits avec n'importe quoi. C'est ça qui est plus génial. Tu peux manger des boules aux carottes, des boules aux patates frites, des boules... je sais pas, patates frites, peut-être pas, là, mais des boules aux patates, ça se fait si tu fais, dans le fond, un jus de quelque chose et tu rajoutes de la glinate, tu la fais tomber dans de l'eau, c'est plus lourd que l'eau, ça fait une sphère, ça tombe, c'est parfait. Donc, ça ressemble à du tapioca. C'est même qu'ils font les bulles de aéro, là. Ça a l'air bon. Ah, oh! Ouais, ben là, il faut qu'ils sortent de l'alginate après. J'ai toujours pensé que c'est un gars avec une paille qui soufflait dans le chocolat qui faisait des bulles d'aéro. Mais ah, bon. C'est de l'hygiène. Écoute, la fameuse gomme Xatan, oui, voilà. On dirait un film de science-fiction, Xatan, à l'affiche maintenant. On est écœur. Hein. La particularité donc, de la gomme Xatan, c'est la capacité de pouvoir modifier la consistance des aliments grâce à une action épaississante et gélifiante. Elle sert donc à créer des sauces sans chauffer les aliments, ce qui permet de préserver la saveur de ces derniers. La gomme Xatan n'est pas une substance naturelle, elle provient de l'action d'une bactérie. Mais n'ayez crainte, celle-ci est la suite d'une commercialisation qui a été soumise à de nombreux tests. Ceux-ci sont donc assurés de l'utilisation dans les aliments à partir du moment où elles restent dans des quantités raisonnables. C'est comme dans la liqueur diète, là, comment on appelle ça? L'aspartame, là, tu sais. Oui, ça peut causer des problèmes, mais si tu l'utilises à petite quantité... Tu sais qu'ils ont trouvé des c'est-à-dire que ça serait bon pour le cerveau, hein, l'aspartame. Ça se peut. Ouais, au début, c'était mauvais. Là, finalement, ça serait quand même bénéfique, supposé. N'hésitez pas, oui, à utiliser la gomme Xatan, mais faites attention, mettez-en pas comme une brique au complet dans votre nourriture. Pour faire de la sauce épaisse. Oui, la sauce va être tellement épaisse qu'elle va prendre... Faut la couper avec un couteau. Là. Ça n'aura pas de bon sens. Ça pourrait être bon, écoute. Eh hey, oui! Écoute, comme un sorbet à sauce bouillon. Non, mais tu sais, du bouillon de canneberge, des trucs comme ça que tu achètes pour mettre dans tes recettes. Là. C'est comme une canne, tu ouvres ça, ça tombe. Ah, oh, Yark, hein, c'est... Tu coupes au couteau, c'est cool, ça. Ça a l'air c'est comme du spam, hein, ça. Un petit peu de spam, puis une canne de canneberge. Un peu du spam. Des atokas qu'on attend. Oui, des attaquants, exactement. Et il y a finalement, pour terminer, ce monde génial de la cuisine moléculaire, la lécithine. Donc, c'est pour obtenir des bulles de carottes ou de melons, donc, qui est représentant de la cuisine moléculaire. Il faut se munir de cet ingrédient épatant, la lécithine, qui est généralement extraite d'un jaune d'œuf, mais qui est également présente dans l'huile de soya. Elle a un pouvoir émulsifiant, donc, qui est souvent exploité, par l'industrie alimentaire. Elle permet de transformer donc des liquides aqueux en bulles et lier les sauces, donc les rendre un peu plus épaisses, lier des trucs ensemble. Bien sûr, là, une fois ça, il y a différentes façons de cuisson, différentes façons d'entretenir. On utilise également souvent des trucs de laboratoire pour travailler des béchères, je sais pas comment on appelle ça. Je me rappelle plus comment on appelle ça. Tu sais, les trucs là, qui sont comme plus gros en haut, mais c'est comme un triangle. Ouais, ouais. C'est un béchard, je pense. Je pense que c'est pas ça, un béchard, ouais. Non, un béchard, c'est comme un verre, mais avec un verseur. Ah, ouais. Puis le petit tube, là. Petit tube, il y a plein. Il y a une pipette. Tu peux utiliser une pipette pour faire. Oui, pipette. Oui, c'est le fun. Donc, on peut utiliser plusieurs trucs. Il y a des kits qui se vendent sur Internet pour donc débuter dans la cuisine moléculaire. Donc, vous avez un peu de chaque produit avec des instruments pour pouvoir épater la galerie, dans le fond. Moi, je me suis informé sur le site www.cuisineaz.com. C'est le dossier de la cuisine moléculaire. Donc, c'est fort intéressant. Et si vous êtes un fan de cuisine moléculaire, vous pouvez aller à plusieurs endroits dans le monde, bien sûr, pour en manger. Il y a entre autres la Tanière qui fait de la cuisine moléculaire. Et, au Québec, ça? À Québec, en fait, c'est au 2115 Rang Saint-Anne. Je ne veux pas faire de pub, ça va rester là. Leur site Internet, c'est restaurantlatanière.com. Il y en a plein d'autres, là, c'est juste que j'ai sorti le premier sur le bord. Leur repas a l'air extrêmement bon. Mais attendez-vous, par contre, à payer ben oui. Le prix. C'est du travail, tout ça. Mais c'est aussi des ingrédients qui sont ouais. quand même dispendieux. Oui, c'est ça. C'est des trucs qui peuvent coûter quand même assez cher et qui demandent beaucoup de préparation. C'est pas comme faire des côtes levées. Et tu peux pas nécessairement donner la job à un sous-chef. Des fois, il faut que ce soit le chef lui-même qui le fasse. Celui qui connaît ça. Moléculaire. Ouais, exactement. Tu sais qu'il y a des... Je sais pas si c'est... Je pense que c'est Tiss qui a un laboratoire de cuisine. Et lui, il a un restaurant qui est ouvert 6 mois par année. Il ferme et il s'en va dans son laboratoire de cuisine avec tous ses assistants-chefs. Il crée des affaires. Et il crée des affaires pendant 6 mois. Ah, donc, il essaie les réactions avec de l'azote, des trucs comme ça. Cette chose-là, est-ce qu'on peut la faire d'une façon différente? Est-ce qu'on peut cuire toxique? Ce truc? Est-ce que c'est toxique? Est-ce qu'on va mourir en y goûtant? Il a perdu d'ailleurs 1000 sous-chefs. C'est ça. Mais écoute, c'est un véritable laboratoire, mais c'est également une sorte d'école, dans le fond. Mm-hmm. S'il devient sous-chef pour ce gars-là, écoute, c'est clair que n'importe quel restaurant va t'engager. Je pense que les portes sont ouvertes pour toi après. Exact, hein. Exact. Parce que, bon, maintenant, c'est de plus en plus répandu, mais si tu vois, 5 ans auparavant, la cuisine moléculaire, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau. Là. C'était des chefs de renommée mondiale. Là, maintenant, même dans l'émission, les chefs y en font. Ah, pour vrai, je savais pas ça. Ouais. Ah, ben, je pensais de me sortir une recette, d'ailleurs, de ça. Mais ah, j'aurais bien aimé, mais... T'as préféré. Moi, écoute, ce soir, là, je suis seul pour manger, je risque de manger des hot dogs. Je suis bon pour faire de la bouffe. Donc, j'en ai déjà mangé. Moi, il y avait un de mes amis qui m'avait cuisiné ça. C'était un dessert, mais je ne me rappelle plus c'était quoi le dessert. Je pense que c'était une crème brûlée. Oui, c'est possible. Des crèmes brûlées. C'était quand même bon. Ça avait, malheureusement, la gelée, elle n'avait pas toute prise pas gelé. Comme il faut. C'était froid, c'était pas cuit. Oui, j'imagine. Oui, c'est froid. Ouais, c'est froid. Ça sort du congélateur, en fait. Mm. Mais ça goûtait vraiment ça. Puis c'était assez intéressant comme expérience. C'est ça qui est cool, parce que tu peux faire compliqué. Oui, exactement. Tu peux faire de la cuisine avec de la glace sèche aussi. Tout là, ça fait comme de la boucane, tu sais, qui sert à refroidir le tout. Cool! Intéressant. Très, très cool. Hey, si on peut revenir à tes hot dogs, là, j'ai vu une vidéo sur Internet récemment, là, pour vrai. Tu prends une oui, baguette de bois. Oui, tu oui, vu oui, ça? J'ai vu ça. Tu plantes c'est la génial. Baguette de bois dans la saucisse, et puis là, avec ton couteau, tu y vas en diagonale, et puis tu suis la lignée du bois en tournant. Ça fait une saucisse en spirale. Tu la fais cuire sur le barbecue. Quand tu la mets sur ton hot dog, c'est que les garnitures prennent moins de place, entrent dans les cracks, fait que tu as plus de place, mettre plus d'oignons. Hein? Mm-hmm. C'est-tu pour ça ou c'était peut-être pour autre chose? Mais moi, c'est pour mettre plus d'oignons. Ben, tu peux mettre du fromage aussi, des trucs comme ça. Mais oui, effectivement. Si j'avais un barbecue, je le ferais probablement, mais je fais bouillir mes saucisses. Ouais, j'avoue. C'est bien grosse, ça coûte moins cher. Ça coûte peut-être dans le poêle, au pire. Ah, ça coûte meilleur. T'as pas un petit grill faux grippin? Hein? J'en avais un, ma soeur l'a scrappé avant de me le donner, donc... On ne s'aime plus. Coûte rien, ces affaires. Coûte rien! Non, mais ça existe des petits charcoal pour appartements. Là, c'est ça, ben, sur le balcon. Sur le balcon, ben oui. Sur le balcon. Moi, j'avais un truc électrique. Ça faisait la même chose qu'un barbecue, mais c'était électrique. Il y a des grille-pains aussi, juste pour les saucisses et les pains à hot dog. Hein, mm-hmm. Oui, ben écoute, il y a des grille-pains. Tu rentres tes saucisses sur le côté, oui. Tu rentres tes pains dans le milieu. C'est malade. Incroyable. Ouais. J'ai pas d'acheter ça, si ce serait pas comme 150 pièces de shipping sur ThinkGeek, probablement j'achèterais ça. Ça va bien. Simon. Bon, ça va faire la chronique cuisine aujourd'hui. Simon, bravo. Beau travail, ça m'a donné appétit, moi. Je pense que Alexandra avait déjà un appétit, mais c'est ça facile pour moi de parler de physique que de parler de cuisine, donc c'est déjà quand même pas pire. Là. Et voilà. Voilà. Fait que merci Simon. Merci. Moi ça me fait penser, ça me fait juste penser à ça, je sais pas pourquoi là, un jour, ça sent là. Ça revient pas pantoute. Pas assez fort. Pas fort. Hein. Ah, croque-note! Croque-note! Il l'a chuchoté, mais c'est croque-note derrière moi. Ouais. Fait qu'on écoute Favorite Food de Tokyo Police Club après ça. Oh, yo! Play You were looking back on your days, how you spent them all in a blur. When they asked if you were for sure, let the sugar melt down your throat, 'cause you know it's sweet getting old. With a lollipop and a rope, let the hospital be your home, 'cause your knees are scratched and your eyes are black. Put a plaster there and I'll sign your cast in the liner notes at the end, some familiar names in tiny print on the cover page of the year, grainy photographs, greasy hair. But it's noon o'clock and you're still asleep, and your coffee's cold, your coffee's icy, 'cause your knees are scratched and your eyes are black. Put a plaster there and I'll sign your cast. Cause fact is facts. Classic Hollywood as a kid, with the volume up all the way. Now you do the same and you're right, things are better in black and white. But there's another girl and another day, and your favorite food still tastes the same, 'cause your knees are scratched and your eyes are white. Put a plaster there and I'll sign your cast. When the best and the brightest in the television's off, seatbelt strapped and your helmet's on. C'était ma favorite food de Tokyo Police Club sur l'album Champ à la vie de croisière d'assemblage requis, toujours dans la chronique de Simon Fitzbé pour les nuls. Est-ce que les gars de Tokyo Police Club mangent la nourriture moléculaire? Je sais pas, j'imagine qu'ils mangent de l'asiatique en tout cas, Tokyo Police Club. Sont-tu vraiment asiatique? Non. Mais ils doivent aimer ça, hein? Ça, puis j'imagine se faire arrêter puis aller dans les poum petit poum de club. Je me mélange toujours avec. Tokyo Hotel. Oui, c'est ça. Le boy band. Exactement. Ouais. Le gars avec les cheveux. Mais en fait, Tokyo Police Club, c'est un groupe canadien. Oui, oui, oui. Le gars avec les cheveux, j'ai mis la description. Sinon, ça fait, ouais, ça les fait cheveux. Scott Pilgrim. Est-ce que vous avez vu cette fille avec des cheveux? Oui. C'est Simon, tu sais, j'ai pas vu Scott Pilgrim. Bah oui. Mais t'as pas été excité quand j'ai mentionné le nom Scott Pilgrim. T'es supposé faire. Étant le grand fan de Michael Cera que je suis. Mis à part dans Arrested Development. Oui. Non, t'as écouté Arrested au complet? Ben oui. Mais j'ai écouté trois fois au complet. Ça revient l'année prochaine, ça. On va l'espérer. Ouais. Là, il était supposé avoir du financement pour un film et avoir une série de 10 épisodes. Ouais, une série de 10 épisodes. Sur Netflix. Un film. Sur Netflix. Ouais, ah, ouais, donc c'est sûr, c'est déjà signé. Nice. Avec Maybe Fionke. Oui, exactement. Alors, il y a Shock Hat. Lover. Donc voilà, Simon Fitzbé, encore une fois, on te plug parce qu'on l'a pas fait encore. Hey, elle fait partie d'un band, elle, en passant. Oui. Avec la fille qui faisait... Dans The Runaways, c'est ça? Non? Non, non, non. La fille qui fait Maybe. Ouais. Elle a un band avec la fille qui faisait la blonde à George Michael Blues. Ah, pour vrai? La fille qui joue dans Scott Pilgrim? Elle joue dans Scott Pilgrim. Oui, oui, oui. Elle joue elle, des copines. Une, qui est, je pense, la blonde maintenant de Jay Baruchel. Waouh, c'est 6 degrés de Kevin Bacon. Et le son, c'est adorable aussi. La fille qui jouait dans Scott Pilgrim sort avec Jay Baruchel. Elle a joué aussi dans le film Goon. Puis là, ils ont commencé à sortir ensemble. Ça, puis dans Arrested, elle jouait la blonde de l'autre. Que tout le monde oublie tout le temps. Oui. Anne. Anne. Oui, exact. Waouh. On s'en est sorti. On s'en est sorti. Donc, Simon, t'es les lundi soir avec Un Genre de Bleu à 20h. Oui. Émission sur le jazz. Effectivement. Et là, j'imagine un gros festival de jazz et tout. Oui. J'étais pas là la semaine dernière. Non, comme la semaine, elle n'a pas manqué. Ouais, mais non, mais en fait, c'est quand même une bonne chose. J'ai fait l'ouverture du festival de jazz la semaine d'avant. Et là, j'ai comme digéré tout ce qui est passé. J'attends aussi les critiques. Et là, j'ai comme présenté le meilleur. OK. Parce qu'il y a des artistes émergents que tu connais pas au début. Là, la critique en parle, puis là, ben, tu commences à connaître ça, puis là, finalement, à iTunes, ils ont des tunes d'eux autres, en quelque part. Fait que tu peux aller les acheter et les diffuser. Donc, je pense que j'ai bien fait d'attendre. Parfait. Donc, j'espère, lundi prochain, 20h. C'est bon? D'accord. Oui. Vendredi matin, album classique où tu écoutes un album vinyle au complet. Effectivement. Et on vous a fait le mois des Beach Boys là, dernièrement. Oui. Et on termine ça avec un album d'un Beach Boy considéré qui est tel comme le pire de la gang, mais qui a fait un des meilleurs albums solo sur la gang, sur le groupe. Là. Donc, c'est assez incroyable. Ça va être l'album Pacific Ocean Blue de Dennis Wilson. C'est vendredi à 10h. Ça repasse, entre autres, les samedis. Non, dimanche. Dimanche à 13h. Ouais. Oui. Et les mardis à midi. Voilà. T'as aussi Catalepsie tout l'été, les samedis soirs à 19h. Je devrais me l'écrire, ça. C'est plus simple. Pas que la grille horaire est compliquée, là. Mais hein? Non. Mais c'est ça. Donc, Simon, Fitzbé, à la semaine prochaine. Merci. À bientôt. À vous deux. Oui. C'était au nul. Au revoir, les nuls. Bon appétit, hot dog. Tu feras pas. Les hot dogs? Non. T'as laissé tomber le plan des hot dogs? Je sais pas. Pas mal anglophone, continuons, revenons à notre lignée incroyable de notre beau programme ici. Là. Ah, je pense qu'on peut pas dire ça, beau programme, c'est le nom d'une émission de radio ailleurs, je pense. Ben là. Ouais. Caravan Palace, Dirty Side of the Street, ça te tente? Ben oui, ça me tente certain. Poum petit poum! Poum petit poum! Poum petit son tis. Ton gars s'appelle tis tantôt, à ça. Oui, tis. numéro 5. Ils veulent pas qu'on mette de Kleenex dans nos poches, c'est eux qui font le lavage. C'est à eux de les enlever, pas moi. Tu veux-tu que je te raconte une histoire qui est arrivée en fin de semaine? Vas-y. Nous autres, on n'a pas de laveuse sécheuse dans notre appartement. Il faut aller chez nos parents respectifs. Okay. On a dit chez la mère à mon copain. Qu'on salue, elle s'appelle. Qu'on salue Thérèse. Salut Thérèse. Alors, c'est moi qui fais le lavage cette semaine. Donc, je mets tout ça dans la laveuse. Je mets tout ça dans la sécheuse. Et là, quand je sors le linge, je fais, mais voyons, il y a quelque chose qui est resté là, dans les poches. Parce que moi, je vide pas mes poches. Jamais, du tout. J'ai pas de poche. Je suis tout le temps en robe. J'avoue. Donc, j'ai pas le réflexe de vider les poches. Et là, je fais, ben voyons, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, je ramasse ça. Puis là, je vois un truc rose. Puis là, il y a Maxime qui me fait, ah, ça doit être le pamphlet du festivois. OK. Là, je fais, t'avais un pamphlet du festivois dans tes poches? Il me semble que c'est gros pour être dans tes poches. Mm-hmm. Là, il fait, ouais, c'est vrai. Là, on pogne un petit truc, on l'ouvre, et c'était son passeport à 35 $. Non! Oh! En plein de petites miettes. Hey, ça, c'est pas le fun. Ouais, il était un peu fâché. Mm. Fait que c'est ça. Ça veut dire videz vos poches. Parce que s'il vous plaît. Des fois, il y a des trucs. Tu sais, quand c'est un 5$, s'il est un peu mal foutu, il peut encore passer à la caisse. T'sais. Ouais. Le passeport du festival à Garnotte, c'est pas évident. Pas tellement. Alors, ouais. C'est mon anecdote. Ben, bravo. Et on parle de ça parce que Simon avait des clients dans ses poches. Ben, exactement. C'est ça. Ben, oui. Et maintenant, sa copine le sait. Oui. Alors qu'il nous a dit de pas le dire. Oh, merde! Bon. Excusez-moi. Ça t'a beaucoup troublé, là. C'est vraiment. Tu te sens mal d'avoir trahi Simon, là. Insupportable. On va l'entendre. Tu vois, Plastic Emergency numéro 4, Your Mind. Puis après ça, on revient. Puis on parle encore un petit peu du festival avec Sébastien Dulquin. Parfait, Kink. Let's make a racket for the old and young. Making them up as we're going along, passing the guitar, passing the wine, traveling time. We gotta choose a weapon for the town we take. Sing and celebrate it's summer for the Quarry Lake. Magic's only magic till you know the tricks. Learning my lines, making them up for the nickels and dimes, passing the guitar, passing the wine. The skies will turn from pink to blue, the years will turn to sand, the needles drop on her skidoo, they were my favorite band. Training my thoughts, following, swallowing, connecting the dots, passing the guitar, passing the wine lights. The skies will turn from pink to blue, the years will turn to sand, the needles drop on her skidoo, they were my favorite band. Donc, Plastic Emergency en position numéro 4 et la pièce s'appelle Your Mind, ça monte de 3 places. Et voilà. Ouais, ça, finalement. Je te faisais ça, mais on n'avait rien. Mais non, on n'avait rien avant, c'est ça. Oh, ben, c'est ça. J'ai passé mon test de concentration. Tout à l'heure, par contre, on va entendre les positions 3, 2 et 1. Est-ce que tu veux essayer de les nommer dans le désordre pour essayer de laisser un genre de semi-mystère? Écoutez, on pourrait peut-être entendre Elle Song, Jack White ou encore Foxy Shazman. Shazam. Shazam. Shazam. Ah, attends, c'est quoi la chanson que je joue à la radio? Ah, attends, il m'a sorti mon Shazman. Shazman. C'est comment ça s'appelle ça? Je sais pas. Shazam. Je pense que c'est ça, Shazam. C'est Shazam? Ben, c'est ça aussi. C'est un peu joli aussi. Ben, c'est Shazam, son nom de famille. Shazam, c'est ça. Il s'appelle comme le logiciel? Pareil, je pense. Shazam, c'est bien ça. Ben oui, ben d'abord, ouais. Fait que c'est vraiment moi qui donne les patates. Je sais pas si ça marche sur le fond de cet oiseau, là. Non, je pense pas qu'il. À moins que ce soit une chanson spécifique, mais il n'y a pas de notes. Il n'y a pas de notes, mais les oiseaux, tu sais, on pourrait être surpris, mais les oiseaux chantent pas mal sans notes, gars. Ah ouais, là, je vois clairement la mélodie. J'entends la clé. Mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi. Ouais, c'est ça. C'est un si. Un si. Un flat B. Mon mi et mon si, ça ressemble pas mal, hein, je pense. Ouais, ben, c'est pas grave. De toujours l'habit de croisière, l'assemblage requis. Il nous reste tout plein de choses à faire dans l'émission, entre autres la chronique C'est un fait qui s'en vient tantôt. Et tu manges mon cœur aussi. Oui, mange mon cœur. Nos coups de cœur de la semaine. Mais avant ça, ça fait longtemps qu'on vous le promet. Voici Sébastien Dulude et une édition spéciale de sa chronique Va voir ailleurs. J'y suis. Sébastien Dulude et bienvenue à ma chronique Va voir ailleurs. J'y suis cette semaine. Pour vous, j'ai un radiothéâtre. J'ai appelé ça de la dynamite, pièce en un acte. Dans une salle de conférence, le directeur général d'un festival de musique populaire de région, son adjoint et sa coordonnatrice des communications rencontrent un concepteur publicitaire pour discuter de l'image de communication du prochain festival. Le DG a environ 50 ans. Il parle très fort et il a une grosse voix éraillée. Il a exactement l'apparence de Shrek et tient dans chaque main un gros cigare et un scotch qu'il agite lorsqu'il parle. L'adjoint, lui, est un jeune premier, intelligent, posé. La coordonnatrice aime la musique depuis le secondaire et son artiste préféré est Cœur de pirate. Le publiciste. Votre clientèle cible, vous la décririez comment? L'adjoint. Ah, elle est variée, on rejoint... Le DG l'interrompt. Nos clients, c'est les amateurs de musique. C'est ceux qui connaissent ça, là, ceux qui ont inventé ça, la musique. C'est le monde de mon âge. Le publiciste. Donc, des baby boomers. Appelle ça comme tu voudras. Nos clients, c'est ceux qui connaissent ça, comprends-tu? Ils connaissent ça, la musique, ils l'ont dans le sang. Pareil comme moi. Tu sais, on a fait la révolution avec la musique dans les années 70. C'est intéressant, ça, l'idée de révolution. On pourrait peut-être trouver un symbole qui représente une certaine révolution ou un personnage, peut-être. La coordonnatrice. Comme Joanie Rochette? T'en dis donc ben les niaiseries! La révolution, esti, le FLQ, les Black Planters, Che Guevara! L'adjoint. Ouh, on pourrait pas aller trop loin quand même, le Che. Quoi, tu l'aimes pas mon idée? Che Guevara, ce serait parfait, ça, imagine ça, avec sa face partout dans la ville. On pourrait faire une grosse affaire, un gros show de musique espagnole, une comédie musicale, avec Sylvain Cossette, pis Claude Dubois qui ferait Castro tabarnak avec des danseuses pis des plumes, oh, calvo, ça serait beau, ça. Le publiciste. Ouais, vous croyez, le Che, c'est une image qui a été pas mal utilisée, déjà. L'adjoint. À notre dernière réunion, on s'était dit qu'on voulait une image branchée, tu sais, très Internet 2.0, quelque chose qui... Ah, oh, toi, ton asti de Facebook, je connais rien là-dedans. C'est bourré de virus, ces affaires-là. Check bien ça qu'il n'y en aura pas un smart à un moment donné qui va essayer de tout nous voler par ordinateur. Le publiciste. Le viral est vraiment tendance ces jours-ci. Faut exploiter ça. Les hackers, c'est devenu en quelque sorte les nouveaux Robin des Bois. Il y a quelque chose, là. OK, d'abord, on va partir un virus, mais un gros... Ouais, mais c'est pas tout à fait ça. Il s'agit de... Hey, laisse-le-nous parler, c'est-tu! Hey, toi, tu disais Robin des Bois! On est pas pour mettre Kevin Costner sur nos posters, toujours! Ouais, d'autres idées, c'était pas payé à... forfait, cette, là. Le publiciste. Ben, il y a un personnage que j'ai en tête. Je l'ai proposé pour une pub à la Banque nationale, mais ils l'ont refusé. Pas ben trop heureux. Mais vous, votre festival, vous êtes à l'avant-garde, hein? Vous êtes des visionnaires. Avez-vous vu le film V pour Vendetta? La coordonnatrice. Ah oui, la reine Amidala était tellement belle là-dedans, même les cheveux rasés. Si tu t'en vas avec ça. Le publiciste. Mais c'est que le personnage masqué est vraiment intéressant. C'est un genre de gentleman terroriste. Son image a été reprise récemment par le groupe de cyberactivistes Anonymous. Le symbole est très fort, vraiment très tendance. C'est audacieux, c'est jeune. L'adjoint. Ouais, mais quel lien avec la musique? Le publiciste. On s'en moque. L'idée est de récupérer l'image pour s'associer à son côté cool. Au pire, on mettra le personnage debout sur un disque. La coordonnatrice. Ouais, mais il est pas un peu méchant, le personnage de V pour Vendetta? Le publiciste. Ouais, mais on va l'arranger. On va graffiter toute la ville avec des F pour festival, en peinture rose. Puis on va changer, mettons, ses bâtons de dynamite pour des pétards multicolores. Comme les couleurs de vos scènes. L'adjoint. L'image ne me semble pas cohérente du tout avec notre festival. Est-ce que notre clientèle ne se sentira pas bernée par le symbole? Je veux dire, Anonymous, c'est quand même des terroristes qui piratent le gouvernement, les grosses compagnies. Ben, ain't comme nous! On est des pirates! L'adjoint est scandalisé. Nous ne sommes surtout pas des pirates. On peut pas... Tais-toi! On est des pirates modernes! On vogue sur les nouveaux styles. On est explosifs! On est underground, tabarnak! C'est en plein, nous autres, ça! Le publiciste est ravi. En plus, le risque de choquer est minime. C'est probable que la moitié des gens le reconnaîtront tout simplement pas, le personnage. C'est pas grave, de toute façon, tant qu'il a l'air sympathique. Au pire, est-ce qu'ils penseront qu'on a ressorti notre personnage à Showtime? Rideau. Ah, Sébastien Dulude. C'est tellement délectable. Exactement. Délicieux et tellement vrai. Oui, en fait, c'est ça. Quand tu y repenses, là, c'est troublant. C'est troublant. C'est ridicule. Sébastien Dulude, va voir ailleurs, j'y suis. Sa chronique qu'il fait en temps normal l'automne et l'hiver ici à Assemblage Requis. Cet été, ben, il prend congé, mais tu sais, une petite édition spéciale même, là. Mais ça tombe bien, disons. Et j'ai encore oublié d'avertir les gens par rapport au langage, mais tu sais, on a compris que c'était vulgaire, hein, Seb. Ben oui, ben, c'est Sébastien Dulude. Ben c'est ça, on s'attend à quoi d'autre? Ben oui, ouais. On le connaît. Vous êtes toujours à la vie de croisière d'Assemblage Requis. Il nous reste encore une cinquantaine de minutes à l'émission de cette semaine et je pense qu'on devrait continuer, en fait, avec une petite pause. Une petite pause. Puis on revient après avec le top 3, la chronique C'est un fait et Tu manges mon cœur. C'est magnifique, ça. Moi, je resterai là, je te vois. Une belle fin d'émission. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Vous êtes toujours à la vie de croisière d'Assemblage Requis avec Alexandra Carignan. Et Mathieu Plante. Oui, et maintenant, ben, c'est le moment d'une des choses qu'on aime beaucoup faire dans cette émission-là, présenter nos coups de cœur. C'est nos coups de cœur, effectivement. Puis comme on dit dans la vie, à un moment donné, plus tu manges, plus tu te remplis. Là, t'sais. Puis t'sais, il y en a tellement plus d'affaires à manger à chaque fois. Puis là, ben, ça fait comme, ben, là, c'est parce que tu es en train de manger mon cœur, mettons. Oh. Eh oui, tu manges mon cœur. Vous l'aurez compris par les paroles. En fait, je pense que ça fait quoi, 3 ou 4 fois qu'on le fait? Oui, ça fait 3 fois. Mais je pense qu'on n'a jamais vraiment expliqué pourquoi ça s'appelle Tu manges mon cœur. Ben non. Allons-y un petit peu. Tu manges mon cœur, donc évidemment, ben c'est ça, ça le dit dans les paroles. Hein. Tu sais, t'as pas fini ton assiette, c'est-à-dire de divertissement, de choses de divertissement. Mais tu manges encore, parce que tu sais, on a besoin de plus de divertissement dans la vie, on n'aurait pas mangé. Plus t'en manges, plus tu payes, hein? Parce que oui, divertissement, ouais, ça coûte cher. Ça coûte cher. Et mon cœur est rempli de haine envers toi, toi étant le plat, parce que ça coûte cher. C'est la définition des paroles. C'est une magnifique interprétation. Ça ressemble vraiment à Assemblage Requis dans le sens que tu trouves un nom, puis après ça, tu y trouves une définition. Exactement, c'est pas mal ça. Tu fais comme, ah ben, ça a l'air nice, on trouvera l'explication après. C'est parce que tous les chroniqueurs sont comme des morceaux, hein, qu'on les assemble ensemble. C'est comme un gros casse-tête. C'est ce qu'on dit dans les entrevues, mais ça veut vraiment pas dire ça. Non. On l'a trouvé par hasard. Mais moi, c'est Assemblage Requis. C'est tellement mêlé. Il faut un assemblage. C'est ça. Ben, c'est aussi, ça vaut également pour les erreurs techniques nombreuses. Ben oui, c'est ça. Fait que tout marche, hein, ça fit. C'est comme des blocs Lego, finalement. C'est ça. C'est efficace, mais c'est ça. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Tu manges mon cœur, c'est donc la chronique des coups de cœur des animateurs d'Assemblage Requis. Et évidemment, ben, Alexandra, tu commences parce que les femmes d'abord. Hein? Ben oui, merci. Écoutez, cette semaine, ma chronique va être vraiment moins longue que la semaine dernière. Je m'étais laissée emporter par les Hunger Games. J'avais dû faire 15 minutes en expliquant. Les livres, la musique, le film, les gens. J'aimais donc bien ça. Puis écoute, cette semaine, c'est nono parce que j'avais pensé toute la semaine à savoir, bon, si on a la chronique, qu'est-ce que je mets? J'avais pas nécessairement trouvé, j'avais de la misère à me trouver un coup de cœur. Et il s'adonne que hier, j'ai lu un journal quelconque et il y avait révélation électronique et ça présentait le groupe Nobody Beats the Drum. Donc, j'ai noté le nom, j'ai été vérifier ça ce matin et je suis tombée en amour avec ça. Ce qui est assez spécial parce que je ne suis pas une grande fan de la musique électronique normalement. Ma musique électronique va environ à Mister Valère et Bonobo, là. Okay. Donc on a un range assez bas, là. Je suis pas une experte. C'est génial, mais c'est à peine de l'électro, mettons. C'est du pop, c'est ça. Beaucoup plus que de l'électro. Ouais. Et là, j'ai rencontré le groupe, mais non, c'est pas vrai. J'ai fait des recherches sur le groupe et je suis vraiment tombée sur une mine d'or. C'est un groupe qui vient d'Amsterdam, donc dans les Pays-Bas. C'est trois garçons. Et là, je vais me forcer pour la prononciation. Trois jolis garçons, t'allais dire, non? C'est ça? Oui, ils sont beaux. Bon. Dans la vingtaine. Je crois que c'était nécessaire de le dire. Là. Mais ils sont cute. donc, on a Sjam Sjamsoeden, on a Jori Koligong et Roger Van Der Zwag. OK. On va les appeler Bob, Richard puis Alain. Alors, Bob, Richard et Alain, qui sont trois musiciens, justement, qui vont faire de la musique électronique, pop et pop, qui vont mélanger vraiment tous les styles pour en faire un. Ils ont deux CD à leur actif, un qui est sorti en 2008 et un autre qui est sorti fin 2011, donc qui est quand même assez récent. C'est pourquoi on en entend parler, si ça vous dit quelque chose. Ils sont ce soir au Festival de jazz de Montréal et ils vont être la semaine prochaine au Festival d'été de Québec. C'est un groupe qui est très populaire à Amsterdam, qui commence à se faire connaître dans la sphère électronique. Et d'ailleurs, Kanye West a remarqué le groupe et l'a même mis sur son blog. Hein? Mais oui. Aïe, aïe. Alors, il n'y a pas juste des insanités en majuscule sur le blog de Kanye West. Non, il y a pas juste il y a ça des... aussi. C'est ça, il y a ça aussi. Il a beaucoup aimé le groupe. Et moi, la première pièce que j'ai écoutée, c'est celle que je vais vous faire écouter justement, c'est « Blood on my hands ». Le vidéoclip est très troublant. Je vous invite à aller le voir et d'écouter cette chanson-là. Moi, c'est le rythme de la chanson. J'ai vraiment aimé cette chanson-là. Donc, je vous la fais écouter. Blood on my hand, de Nobody Beats the Drum. À la vie de croisière, l'assemblage requis sur C'est fou. Now I don't know where to run. I got some. Entendre Blood on My Hand du groupe Nobody Beats the Drum, qui est mon coup de cœur cette semaine. C'est donc bien écœurant, ça! C'est bon, hein? Hey! C'est tiré de leur plus récent album, Currents, qu'on est capable de se procurer. Moi, je l'ai acheté sur iTunes parce que ça se trouve pas dans les magasins encore. Au Québec. Pour la ouais, au Québec, c'est ça. Donc, pour la modique somme de 10$, ça doit être un bon achat. C'est pas cher, c'est bon, j'aime ça. Maintenant, à mon tour. Ben oui, quel est ton coup de cœur cette semaine, Mathieu? Tu trouvais ça con, ton coup de cœur, au départ, là? Tu t'as dit, je sais pas, quelque chose comme c'est con, mais le mien est encore plus nono. C'est nono, le mot que t'avais utilisé. OK, c'est nono. C'est vraiment extrêmement nono. Tu sais, tantôt, j'ai parlé de la saucisse que tu mettais dans une un morceau d'une tige de bois et que tu coupais en diagonale. Ouais. Ça fait un genre de slinky que tu mets des garnitures dessus. C'est plus facile de garnir. Eh bien, il y a la chaîne PFK. Qui ambitionne encore plus. T'sais, on avait déjà le coup double. Ouais. C'est deux poulets, deux morceaux de poulet avec les garnitures en dedans, pas de pain. Là. Ouais. Eh bien, c'est. Où est-ce que c'est déjà? Attends un peu. C'est le premier. Je me rappelle plus c'est où, là, mais c'est le premier hamburger couvert d'une tranche de fromage dessus. C'est aux Philippines. Ça a été dévoilé sur le Facebook de PFK aux Philippines. Donc, c'est le premier hamburger avec une tranche de fromage dessus. Je trouve que c'est génial. Et c'est assaisonné de genre de seulement de parmesan à l'ail. Oh my God. Ça va être vraiment bon. Et c'est ça, c'est moi. Mais le poulet. Parce qu'en fait, mettons, un coup double au poulet, ça se tient bien, mais avec du fromage, ça doit être glissant. Ben, en fait, c'est pas le coup double, c'est sur le pain. Donc, c'est vraiment un hamburger au poulet avec garniture parmesan à l'ail, tranche de pain, pain en bas et en haut. Et le fromage à l'extérieur du hamburger. C'est difficile à expliquer comme ça à la voix. Il faudra aller aux Philippines. Ouais, ou sur la page assemblagerequis.com. Mais donc, c'est comme un hamburger au poulet normal, mais avec une tranche de fromage fondu. Hey, c'est tellement. Tu me donnes faim. J'ai faim moi aussi. Oh my God. Mais qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme autre variété d'hamburger maintenant qu'ils ont fait poulet sans pain? Parce que le coup double, je le dis à chaque fois que j'en parle, mais le coup double, ça manque de pain. T'sais. Ben oui, effectivement. Ça rend mal. Moi, j'en ai pas mangé personnellement, mais ceux qui ont goûté, là, ils ont dit qu'ils n'ont pas été capables d'en terminer un parce que c'est... Ça me surprend que ce soit revenu, tu sais. Une deuxième phase. Ils font des pubs et tout en plus, là. Pas sûr, t'sais. Non, moi, j'irais peut-être... attends un peu, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme variété? C'est sûr que, tu sais, on pourrait commencer par la base du coup de... Bon, deux morceaux de poulet, la garniture entre les deux. Ça, je trouve que c'est une bonne idée. Oui, ça, ouais, c'est quand même original. Ouais. On pourrait mettre, tu sais, pour l'inverser et avoir le pain qui aide à descendre, peut-être le pain dans le milieu, t'sais. Oui, ça serait bon, ça, peut-être, ouais. Juste comme la garniture sur le pain ou, tu sais... Oui, sur le pain, j'aime ça. Et peut-être la tranche de fromage fondue, j'aime l'idée, sur le poulet, en haut et en dessous. Les deux? Peut-être qu'il pourrait le faire cuire sur une broche pour le faire tourner. Ouais. Mais ça coulerait peut-être le fromage. Pas le fromage en dessous. C'est parce que le fromage en dessous, j'ai peur qu'il coule vraiment. Là. T'as raison, ok. C'est mieux sur le dessus. La bouffe, c'est toujours mieux sur un bâton. Moi, je dirais deux bâtons pour mieux tenir ton burger. Comme un roll dog. Ok, roll dog, j'aime les roll dogs. Allez-y avec la pâte de roll dog sur le dessus ou en dessous. Piqué en dessous, ça dégouline pas. Ça ressemble à du Epic Meal Time. Mais c'est que ça empêcherait le fromage de dégouliner. Ouais, fait que tu pourrais avoir le fromage en dessous et la pâte à roll dog en dessous. Ça tiendrait tout comme un genre de, t'sais, de comme pour la pluie, là, c'est étoile. Ouais, une gouttière. Oui, une gouttière. Bâton. Ah, moi j'aime ça. J'en t'aimes achète ça. Trois tout de suite. Ben, Colin, fais une soumission, propose ça à PFK. Miam. Ça pourrait être un Mathieu Plante. Le Mathieu Plante, le célèbre Mathieu Plante. Avec ben du bacon, ça va être parfait, ça. Ah oui, oui. Ah, oh, mon Dieu, j'aime tellement ça, le bacon. OK. Donc, ça, c'était la première partie. Deuxième partie de mon coup de cœur, Tu manges mon cœur, c'est évidemment la grosse campagne qui a eu lieu sur Facebook récemment. T'as sûrement vu passer ça, Oreo. Ben oui, le Gay Pride biscuit, là. Exact. Mais là, il y a eu une controverse à cause de ça. Bon, ben oui. Je veux pas que mes snacks préférés commencent à faire de la politique. Nanana, tu sais comment ils sont, les Américains, ça. Ouais, ouais, ben oui. Mais pour encourager Oreo, d'autres compagnies ont fait le même principe par oh, après. Oh, c'est le fun, ça! Et de là, mon coup de cœur, donc la réimagination de la nourriture de différentes compagnies après Oreo. Il y a entre autres Pop-Tarts Pride, où oh, on oh. voit l'intérieur de Pop-Tarts étant divisé en couleurs de l'arc-en-ciel, évidemment, et des petits sprinkles d'arc-en-ciel dessus. Hein, pourquoi pas? Donc ça, évidemment, là, je dois dire ici que c'est pas nécessairement les compagnies qui ont eux-mêmes fait ça, elles-mêmes, mais c'est le site BuzzFeed.com qui vient de recréer ces campagnes-là. Mais quand même, l'idée est derrière... Donc, c'était pas les compagnies directement. Malheureusement, je crois pas. Ah, mais je trouve ça triste. Ouais. Peut-être pas... en tout cas, pour la majorité, je crois pas. Je sais pas s'il y en a là-dedans que c'est vrai, mais j'ai pas osé faire la recherche. Mais le Pop-Tart Pride, là, ça ressemble au Nyan Cat. Exactement. Ben, en effet, Nyan Cat, avec l'arc-en-ciel qui sort des fesses. ensuite, t'as Ritz. Oui, les biscuits au fromage. Un biscuit de chaque couleur. Doritos. Oh! C'est beau, ça. Okay. Ben allez oui. voir les photos sur assemblagerequis.com. Twizzlers. Pourquoi pas. Les Lucky Charms. C'est déjà pas mal arc-en-ciel, leur affaire, parce qu'il y a entre ouais, c'est, ben, c'est ça. Un arc-en-ciel. Il y a l'arc-en-ciel, parce que c'est le petit... comment qu'ils appellent ça, non? L'Irlandais avec son leprechaun. Oui, un leprechaun. Leprechaun. C'est ça. Est-ce qu'il y a un mot en français pour ça? Oui. Un farfadet! Un farfadet! C'est pas beau ça. C'est pour ça que ça fait bizarre, c'est la mini-série Leprechauns, là, en français. Farfadet. Les Rice Krispies, Curry Rice Krispies. Les Pringles. Oui. Hey, Pringles, hey, ça me rappelle, parenthèse dans la chronique, tout le temps les parenthèses partout, nous autres. Ben oui, c'est correct. On aime ça. Et là, j'ai pas le lien pour vous le montrer, mais je l'ai mis dans mes liens de là quelques semaines, si ça vous intéresse d'aller voir ça. C'était. Je sais pas si c'était un gars qui avait inventé ça, je me rappelle plus qui, là. Mais c'était comme une façon de faire qu'on arrête de manger les Pringles, parce que des fois, ben, genre arrêter plus rapidement, parce que oui, un Pringles, tu commences, tu t'arrêtes plus. Ça, tu viens de finir la canne. Donc, il y avait eu comme idée, à chaque, je sais pas si c'était 15 ou 20, mettons 20 Pringles, il y avait un Pringle rouge. Oh, qui disait stop. C'est là que t'arrêtes, hein. Donc, c'est comme par portion. Je trouve que c'est une méchante bonne idée. C'est une méchante bonne idée. Ou acheter les petits cups. Non. Non. C'est pas assez. Franchement. Drôle, t'as moins de Pringles, voir. Donc, après Pringles, t'as aussi les macaroni au fromage et les sneakers. Mais là, ils ambitionnent sur la sneakers. Là. Genre, le nougat serait de couleur différente. Donc. Oh my God, ouais. Donc, c'est un petit peu trop intense. C'est donc le site BuzzFeed.com qui recommande à d'autres produits d'aussi se changer pour la fierté gay. Après Oreo, j'aime l'idée, mais j'aimerais ça que les compagnies fassent pour vrai. Ben oui. Mais je pense pas qu'ils vont le faire. Sûrement pas. Surtout pas après le tollé qu'il y a eu avec Oreo. Ben exactement, hein, parce que la controverse est là. C'est pas on n'invente rien. Non. Oreo s'est fait un petit peu... Les Américains sont si drôles, tu sais, là. Tu peux bien montrer des cubes, des seins partout, mais faut pas que tu mentionnes des choses politiques, c'est ça. N'importe quoi d'autre. Ça pourrait être l'avortement, tu sais. Ben oui, c'est ça. Non, il pourrait y avoir, tu sais, juste deux biscuits Oreo pas de crème. Oh! C'est pour la semaine de l'avortement. Ça marchera pas. Hey, j'ai des idées aujourd'hui, là. Je vais aller me faire payer à quelque part. Oh my God! À quelle caisse est-ce que je peux passer pour me faire payer? Ben voyons. C'est toujours la vie de croisière d'assemblage requis. Il nous reste encore le top 3 à entendre. Et justement, on va aller entendre le début du top 3 avec la troisième place. C'est celle de... Jack White avec 16 Salt Times. Oui, c'est des biscuits soda, ça. Tu vois? Parce que, tu sais... Ouais. Salt. Il pourrait y avoir aussi du fierté gay dans les... Non? Je pense ben, trop. Parce qu'il n'y a pas de couleur, c'est la même. Mais les restes non plus. Hein? Jack White. Boucher! Oh yeah! C'est fou, 89. La radio qui bouge des trous. Entendre 16 Saltiness de Jack White en position numéro 3 qui a fait une belle remontée puisqu'il était à la position numéro 6 la semaine dernière. Mm-hmm. Tantôt, on entendra la position numéro 2, Hellsongs et Walk. Mais avant ça, Alexandra, avant ça, ma tortille se mâchait, ça m'a texté. Texté! Parce que c'est un fait. Oh là là! C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Levons la main ensemble dans les airs et promettons de nous dire que la vérité... Non, je la jure. Dur à savoir avec les faits trouvés sur Internet, mais bon! Oh. Allons-y avec une rafale de faits rapides pour commencer. Savais-tu que... Okay, William Willett, c'est lui qui a eu l'idée de faire avancer les horloges, là, tu sais, l'heure avancée à cause des fermiers, etc., etc., là. C'est l'idée d'avancer. Ouais, ouais. Donc, William Willett, c'est lui qui a eu l'idée de faire avancer les horloges à chaque printemps. Et l'arrière-arrière-grand-père de Chris Martin. Oh, le chanteur de Coldplay. De Coldplay. Hein? C'est drôle, c'est ça? Drôle. Donc, dans la vie, cette famille-là a inventé Coldplay et l'heure avancée. Ils peuvent mourir c'est ça, maintenant. C'est ça, ils peuvent mourir avec des faits accomplis. Hein? Dignité et tout. Bravo. Ensuite, dans les années 80, la banque Canada Trust. Tu connais Canada Trust? Pas tant utilisé oui. Au Québec. Là. Hein? Canada Trust. Canada Trust. Ils ont engagé Johnny Cash pour faire la publicité. Là, je ne la ferai pas jouer parce que c'est lui qui parle tout le long et c'est plate en mort. Il chante même pas. Il a une guitare dans les mains, mais il chante même pas. Tu sais? En tout cas, à ce que j'ai vu, il n'a pas l'air de chanter. À moins qu'il chante vraiment pas fort. Est-ce qu'il chante? En tout cas, peu importe. Mais ils ont engagé Johnny Cash pour faire leur publicité et ils ont changé le nom de tous les guichets automatiques de Canada Trust pour les appeler des Johnny Cash Money Machine. Johnny Cash Machine. Ça, c'est drôle. C'est hilarant. Hein? C'est une excellente idée, je trouve. Ouais. Attends, est-ce que j'ai sa chanson ici? Je vais essayer de la faire jouer, moi. Parce que je l'écoutais hier, pas de son, t'sais, dans le lit. Comment ça? C'est du mono. Times like this. Or this. Ah, OK, il chante un peu. des fois, vous manquez d'argent dans la vie, tu sais, quand ça arrive, vous avez besoin de la Johnny Cash Money Machine, ouvert 24 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est vrai, toute la journée, à tous les jours. C'est moi qui vous dis Johnny Cash Money Machine de Canada Rust. La façon intelligente de retirer votre argent. Je n'ai pas entendu le reste. C'est beau, hein? Tabarouette, chante mais pas vraiment. Ça me donne le goût d'aller à Canada Trust, moi. Ben oui, et ça me donne soif pour une Canada Dry, et ça me donne, tu sais... Oh. Toujours la chronique, pas... c'est un fait. Ouh, pas cool, pas cool, ça peut marcher bien. Donc, Canada Trust, Johnny Cash, Money Machine, on aime ça. Ensuite, les jets bleus. Oui. Les jets bleus, Alexandra, ne savent pas eux-mêmes qu'ils sont bleus. Pourquoi? Ils sont daltoniens. Ils ne voient pas le bleu. Alors, je sais pas si ils sont daltoniens, mais ils ne voient pas le bleu. C'est simple comme ça, et ben... Il y a environ un nonillion, ça c'est un suivi de 30 zéros, ok? Nonillion de microbes dans les océans de la Terre. D'ailleurs. Et ils pèsent ensemble autant que 240 milliards d'éléphants africains. Des microbes, ça. Oh my god. Sur la Terre. Sur la Terre. Dans les océans de la Terre. Non, c'est pas sur la Terre. Non, c'est dans les océans. Partout ailleurs que sur la Terre. Les présidents John Adams. Oui. Ok. Thomas Jefferson et James Monroe. Ils sont tous... Qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est des présidents américains. Bravo, en effet, tout à fait. Un point pour ça. Ils sont tous morts le 4 juillet. Oh, hey, c'est drôle, c'est la fête justement des États-Unis. Des grands patriotes, donc, s'ils sont morts le jour de la fête des États-Unis. C'est aussi la fête de Trois-Rivières, le 4 juillet. Tout à fait, je ne savais pas ça. Je fais comme tout à fait, bien sûr. Ben oui, c'est ça. Donc, John Adams est mort en 1826, Jefferson en 1826 aussi, et Monroe en 1831. Donc, le 4 juillet. Le 4 juillet, pour célébrer Trois-Rivières. Une étude de l'Université Cornell a découvert que les gens mangent plus de popcorn lors d'un film triste que lors d'un film heureux. Ah ouais, c'est drôle ça. On mange nos émotions, c'est peut-être ça? Je pense que oui. Tu sais, en même temps, je sais pas, les larmes, c'est salé, peut-être que t'as envie de... Popcorn quand tu... Je pense qu'on mange des émotions. OK. J'essaie de trouver une raison. Sony a présenté, a introduit sur le marché son Walkman. C'était le 1er juillet en 1979. Eh ben, le New York Times disait que c'était le nouveau symbole de statut en ville. Donc, fallait que t'aies un... Tu sais, pour avoir un bon statut, fallait que t'aies un Walkman. J'en avais un, moi, quand j'étais jeune. Est-ce qu'il était jaune? Oui. Tout le monde avait jaune un Walkman. Et gris. Jaune. Ben, c'était un Sony. C'est vrai? Ben oui. Il était efficace, il était waterproof en plus. Parce qu'on a tous besoin d'aller nager en écoutant de la musique, c'est bien oui. Évident. C'est bizarre, les iPods de nos jours sont même pas waterproof. Sony a mis la barre tellement haute. Ça coûte 300$, ces iPods-là, ça va même pas dans l'eau. Non, c'est ça. Ridicule. Le iPhone a eu 5 ans vendredi dernier. Oh. C'est tout à fait vrai. En 2007, le CEO, le Chief Executive de Microsoft, a dit qu'il n'y avait aucune chance que le iPhone ait une part de marché significative. Aucune chance. Oupsie daisy. Je pense qu'il a raté son coup là-dessus. Un peu, hein? Microsoft, des grands visionnaires. Ah, tout le temps. Tout le temps. Pourquoi est-ce que les bouteilles d'eau, là, ça va être une explication un petit peu plus longue là, tout à l'heure, tu verras. Pourquoi est-ce que les bouteilles d'eau ont une date d'expiration? Bonne question. Donc, on se demande ça tout le temps. Les bouteilles d'eau ont souvent une date d'expiration, une date de genre à boire avant. Ça. Bon. Eh bien, c'est à cause de l'État du New Jersey. Donc, l'État du New Jersey a passé une loi en 1987 qui demandait à ce que tous les produits donc, qui sont des produits de nourriture devaient avoir une date d'expiration qui est de 2 ans ou moins à partir de la date de manufacture. Ah. Donc, les étiquettes, etc., tu sais, ça devient compliqué de devoir séparer celles qui ont les dates, celles qui n'ont pas de date. Donc, ils ont décidé de les mettre sur toutes les bouteilles. Entre autres, la compagnie, c'était Paul and Spring, qu'on mentionne dans l'article. Et puis, la US Food and Drug Administration n'a jamais établi ou suggéré de limite sur la vie, sur tablette, si on veut, des bouteilles d'eau. En tant qu'on les produit selon les règles, donc ça pourrait durer pas mal plus longtemps que 2 ans. Hein, dans ces bouteilles. Oui, mais en fait, c'est aussi les œufs, ils ont une date d'expiration, mais... Ça peut aller plus loin, mais ça peut obligé, vraiment hein. aller plus loin. Les œufs, s'ils sont gardés dans le frigidaire, là, ils n'ont pas le choix, en fait. Mais tu peux les pourquoi ils la mettent aussi proche? C'est ça l'affaire que je me demande. Ils pourraient d'abord la mettre plus loin un peu, ou au moins, c'est quelque chose de dans la vraie vie, tu sais, il me semble. Je sais pas. Ça dure combien de temps? Un mois, mettons? Mais un mois? Je sais pas. Je sais pas. Aucune. Mais c'est ça. Moi, ma mère m'a dit... Mange-le pareil. Mange-le pareil. C'est peut-être parce qu'elle voulait que j'y mange pareil. Peut-être. On dit par contre à la fin de l'article que bon, même si les bouteilles d'eau sont gardées très très longtemps, ce qu'il y a de dommage, c'est que le plastique de la bouteille d'eau, c'est fait de PET, ce qu'on dit, on voit souvent les comptes PET, là. On ouais. rit tout le temps du PET. C'est polyéthylène terephthalate ou quelque chose du genre. Donc, c'est du polyéthylène à haute densité qui est utilisé pour les grosses bouteilles d'eau et celui que j'ai mentionné, le PET, pour les plus petites bouteilles. C'est poreux, donc l'eau peut quand même finir par absorber l'odeur et le goût de l'extérieur. Donc, si vous avez des ouais. bouteilles d'eau dans le sous-sol, ça pourrait goûter de moisi. Mais en fait, c'est pour ça aussi, c'est qu'il y a des produits, pas les produits, mais qui peuvent se mettre dans l'eau. Ouais. Et c'est pour ça qu'on dit de ne pas utiliser des bouteilles en plastique mince, de ne pas les réutiliser. Trop longtemps. Exactement. On peut les réutiliser 2-3 fois, mais pas en garder pendant des mois parce qu'à la longue, il y a des produits chimiques de la fabrication de la bouteille qui se retrouvent dans l'eau. Fait que c'est pour ça qu'on recommande d'acheter des vraies bouteilles en plastique dur. Qui sont faites pour ça. C'est ça, qui sont faites pour ça. D'accord, c'est bon à savoir. C'est mon conseil. Ben, tu fais bien. Voici un petit segment maintenant, jeux vidéo, comme on le fait souvent dans C'est un fait. Allons-y avec le fait qu'il y a des vaches drôlement mal dessinées dans la plupart des jeux portables de la compagnie Rare. Okay. Et je sais pas pourquoi, mais ils ont inséré l'image d'une vache dans Conker's Pocket Tales, dans Perfect Dark, Donkey Kong Country version Game Boy Color, Mickey's Racing Adventure et plusieurs autres jeux, possiblement. Donc, vous pouvez aller voir la photo sur assemblagerequis.com, mais c'est toujours la même vache dans chaque jeu. C'est comme un fétiche. Puis elle est pas belle. Elle est pas belle, en plus. Comme dessiner un peu comme un enfant dessinerait une vache. C'est drôle, ça? C'est drôle. Hein? Ou moi, tu sais. C'est cocasse. Il y allait avoir une blague aux dépens de Pikachu dans Conker's Bad Fur Day, parlant de jeux faits par Rare. En tout cas, je crois. Donc, Nintendo a demandé aux développeurs d'enlever la référence à Pikachu. Par contre, dans le code, il reste encore le modèle de la queue de Pikachu. Si vous allez hacker le jeu, là, vous allez trouver la queue de Pikachu dans le jeu. Et ben. Ensuite, jouer à une copie piratée. On parle souvent de copie piratée dans cette chronique-là. Il y a tout le temps des façons cocasses de faire que les gens ne puissent pas continuer de jouer s'ils ont une copie piratée. Oui, c'est ça. Donc, si on joue à Spyro, Year of the Dragon... Year of the Dragon Will. En tout cas, peu importe. C'est un des jeux de Spyro, Year of the Dragon, quelque chose. Donc, ça va, en plus d'avertir le joueur en texte, donc tu parles à un personnage, ça va te dire textuellement si tu pirates ce jeu-là, il va se passer des affaires. Donc, ça va effacer tes œufs dans ton atlas. Là, j'ai pas joué au jeu, mais ça efface tes œufs. Ça va être bien important, les œufs. Ça va barrer certains personnages spéciaux donc, que tu aurais pu débloquer si tu n'avais pas piraté. Et des fois, ça va complètement pas te laisser continuer de jouer. Ça va juste arrêter le jeu. C'est Spyro, Year of the Dragon. Jouez pas à ça, pirate. Ben non, mais jouez pas piraté, là. Je pense qu'on a donné assez d'exemples pour montrer que oui. C'est beaucoup moins fâchant d'acheter la copie originale. Et on a un dernier, d'ailleurs. Dans Banjo-Kazooie, si tu entres 3 codes de triche, OK? 3 codes différents, des codes qui vont ouvrir des mondes que tu serais pas supposé avoir accès à. Donc, ça, c'est le personnage de Grunty qui va effacer tes sauvegardes complètement. Il va t'avertir. Ah. Donc, il y a un message qui dit « Banjo, si tu utilises un troisième code de triche, ton game pack va être effacé, ta cassette. » Et là, après ça, si t'en refais un autre plus tard, il va dire « Arrête de tricher. » Et puis après ça, il dit « Ta cassette va être effacée. » C'est intense. J'imagine que si tu veux vraiment utiliser 3 codes triche, ben c'est ton problème. Ben, t'es averti. Il peut pas dire le contraire. Et voilà. Les Américains, en moyenne, là, on change de domaine. On n'est plus dans les jeux vidéo. Hein. Je sais pas comment diviser ça, cette chronique-là. C'est correct. On parle du coq-à-l'âne, c'est pas grave. On parle de pizza, là. Ben oui. Ah, c'est bon, la pizza. Ah, pizza. Les Américains, en moyenne, mangent 90 acres de pizza par jour. Ouch. Les États-Unis au complet. Ce qui veut dire que les Américains mangent environ 350 pointes par seconde. Il y a approximativement 61 269 pizzerias aux États-Unis. Les tomates, on croyait que les tomates étaient quelque chose de poison avant de les mettre sur la pizza. Oh. Avant, je sais pas si les tomates sont arrivées en même temps que la pizza. C'est une drôle de texture. Faut leur donner ça. Là. C'est bizarre un peu. La première pizzeria américaine a été ouverte en 1905. Oh! OK. Et en 2005, toujours dans le fast-food, McDonald's a payé des rappeurs pour faire des références au Big Mac dans leurs chansons. C'est vrai. Donc, stratégie marketing intéressante. McDonald's qui promettait aux rappeurs, à chaque fois qu'une chanson qui mentionnait les Big Mac était jouée en ondes à la radio, les artistes hip-hop avaient la chance de faire 5$ par diffusion. C'est quand même pas si pire. Ben, c'est oui. Si tu fais un gros hit à la Kanye West là, ou à la Rihanna, là. I like Big Macs and I cannot lie. Donc, cette stratégie marketing-là était supposée attirer les jeunes, les enfants aux produits de McDonald's. Et évidemment, ils se sont fait critiquer pas mal McDonald's pour ça. Donc, on parle évidemment d'obésité chez les enfants, etc., etc. McDonald's qui devrait offrir des produits plus santé, disait-il. Plusieurs rappers et artistes de hip-hop incorporent évidemment des marques dans leurs chansons sans se faire payer. On parle entre autres de marques comme Courvoisier, Gucci, Dom Pérignon, Bentley et Porsche. Bentley? Ben oui, Bentley. Les sacoches, les sacs, là? Ben oui, on a ça aux rivières. C'est wow, hein? C'est super. On a ça aux rivières, on est hot! On est hot! Worldwide, phénoménal. Oui. Donc, l'incorporation des produits dans les paroles de chansons. Malheureusement, ça donne pas d'exemples de chansons qui citent, qui disent McDonald's. Non, je serais intéressé à savoir lesquels. I love Big Mac. Pour appuyer mes propos sur la nourriture, allons entendre une célèbre pièce de Télémac. Une frite, l'amour à la sauce américaine, tout de suite à la vie de croisière, l'assemblage requis. C'est les Mac et une frite, l'amour à la sauce américaine à la vie de croisière l'assemblage requis. C'est toujours la chronique, c'est un fait en ce moment. La chronique est véridique, véritable et vérifiable. Tout est vrai. C'est tout est vrai. J'ai-tu débranché la mauvaise clé? Je pense que j'ai débranché la mauvaise clé. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fond. Oh! C'est le fun. C'est pas grave. On peut faire ça freestyle instrumental? Ben oui. Je peux faire les bruits de mouettes, si tu veux. Bon. Donc, il nous reste encore 4 faits. Si tu veux faire des mouettes pour le reste de la chronique, t'as bien beau. Elle marche plus? Ah, laisse donc faire. Le temps va être long. Ouais. Il nous reste 4 faits. On va les faire vite vu qu'on n'a pas de fond puis c'est plate à écouter ça. Se faire bronzer, c'est aussi nocif que de s'exposer au plutonium. Ouch. C'est vrai. Donc, se faire bronzer, ça a autant de chances que de causer le cancer que le plutonium. Et le plutonium est quelque chose de très, très radioactif. Donc, utiliser un lit de bronzage avant l'âge de 30 ans va augmenter votre chance d'avoir le mélanoma, qui est un des cancers de la peau les plus mortels. Ça va les augmenter de 75%. Aux États-Unis, le mélanoma tue environ 8650 personnes par année. Et en plus, les chances d'avoir un squamous cell carcinoma est 2,5 fois plus probable, et tes chances d'avoir la basal cell carcinoma augmentent de 1,5 fois. Là, plein d'affaires, donc super dangereuses. Ça coûte des vies, ça tue du monde à chaque année. Mon Dieu, je suis contente de ne pas faire ça finalement. Ben, moi aussi. Et justement, on essaie de passer des lois pour empêcher les gens de se faire bronzer. Dans plusieurs États, les gens font campagne pour bannir l'utilisation des... Excuse-moi? Les salons de bronzage. Les salons de bronzage. Ben, seulement pour les personnes en dessous de 18 ans. OK. Au Wisconsin, les personnes en dessous de l'âge de 16 ans n'ont pas le droit du tout de se faire bronzer. Donc, est-ce que ça va faire que les gens vont arrêter de se faire bronzer en général? Je ne penserais pas. Non, une fois rendu l'âge, tu vas le faire pareil pour avoir le teint foncé. Le teint parfait. T'as l'air tellement en santé alors que dans le fond, tu l'es pas du tout. T'sais. Non, mais en fait, ouais. C'est que quand tu te fais over-bronzer, t'as pas l'air naturel, pas en tout. Et non, t'as l'air d'un divan. Cuiré. T'as l'air d'un divan. Ensuite, allons-y avec une femme qui a refusé de quitter la toilette pendant 2 ans et demi. Hein? C'est Mme Leung Mi Yan qui s'est assise aux toilettes le 25 mars 2009 et qui ne s'est pas levée pendant 902 jours. Elle mangeait, elle dormait et elle prenait sa douche sur la toilette. Mais elle doit être hyper obèse. Ben, je ne sais pas. Il n'y a pas de photo, c'est bizarre. Pourquoi? Elle se levait pas. Elle dormait sur la toilette, je vais le dire plus tard qu'elle dormait. Il y a des microbes quand tu ne t'essuies pas. Là. C'est dégueulasse. Oh. Donc, pendant 902 jours, elle a pris sa douche un total de 18 fois. Son mari donc, s'occupait d'elle et c'est ça. Donc, elle était nue, assise sur la toilette. Pour faire passer le temps, son mari a déménagé la télé devant la salle de bain pour qu'elle puisse la regarder. Mais bon, y avait-il un but à ça? Je pense que c'est une phobie de se lever ou genre, je sais pas, psychologiquement, elle voulait plus se lever. J'ai aucune idée. Elle dit, il y a une force puissante qui la gardait assise sur la toilette. C'est une force de Dieu. C'est ça, c'est Dieu. C'est la faute de Dieu, comme tout. Son mari a admis avoir pensé à la quitter, mais il disait que c'était trop difficile vu que c'est sa femme. Là. C'était trop cruel de la laisser. Donc, enfin, après 2,5 années assises sur la toilette, son mari en a eu assez. Il a appelé la police pour venir l'aider. Ils l'ont donc pris et enveloppé dans une serviette. Ils l'ont amené à un asile pour personnes... Ben oui, mais c'est parce que c'est... En plus, ça devait plus pouvoir marcher, là. Exactement. Quand tu n'utilises pas pendant 2 ans tes muscles. Ouais, elle est capable de marcher plus que quelques pas de suite parce que, c'est évidemment, ses jambes s'étaient détériorées. Elle est restée à l'asile pendant 18 jours. Aujourd'hui, quand elle utilise la toilette, elle est là que pendant 1 heure ou 2 au maximum. Hein, ah, juste... maximum. Ou deux. Elle prend 8 pilules par jour. 8 pilules pour la garder loin de la toilette. Donc, psychologiquement, j'imagine que ça doit remettre son cerveau en place. Oh my God. Et la famille espère qu'avec la physiothérapie, elle va pouvoir remarcher un jour parce que pour l'instant, elle ne peut pas dormir. Elle dort dans une chaise. Excuse-moi, elle ne peut pas marcher. Elle dort dans une chaise. Oh, oui. Sainte. Parce que ça fait trop mal de s'étirer les jambes. Je vais en faire un dernier parce que ça me tente. Puis je le trouve bon. Prononce le mot G-H-O-T-I. Essaye de prononcer le mot G-H-O-T-I. Gauthier? Ben non, mais trop facile. Essaye une autre fois. Gauthier. Comme non. Le chanteur. C'est comme le groupe de musique, on prononce tout que Gauthier, mais c'est Gauthier. Gauthier, mais c'est pas un groupe, c'est un dude. C'est un dude, excuse-moi. La fille est pas là-dedans? Non, en fait, c'est okay. Pete Kimbra. Kimbra, c'est la chanteuse. Bref, Gauthier. Eh ben, donc, G-H-O-T-I, on prononce tout ça Gauthier, mais en fait, ça se prononce Fish. Oui, c'est un mot qui a été construit de toutes pièces pour montrer les irrégularités de la langue anglaise. Donc, on se demande pourquoi, mais c'est que... Pardonnez-moi, c'est encore pire sans fond quand je tousse. Donc, le GH est prononcé comme le F dans rough. OK, oui. C'est rough, ah, O-G-H. C'est vrai, ben oui. Le O est prononcé comme le son I dans women. Women, c'est ben women. Oui. Le T est prononcé comme le SH dans action. Action. Ben oui. Et quand on les met ensemble, ça fait donc Fish. Hein? C'est l'homme s'appelle William Ollier Jr., né en 1824. Et on dit que le mot Gotti, G-H-O-T-I, Fish, là, est fait dans le fond pour montrer la réforme de la langue anglaise qui devrait être faite. On l'attribue souvent à George Bernard Shaw, mais c'est pas lui qui l'a inventé. Il y a une deuxième façon de prononcer le mot G-H-O-T-I qui utilise la même méthode pour avoir un autre effet. Donc la deuxième prononciation, c'est le G-H qui est silencieux comme dans through. Ouais. T-R-U-G-H. Le O est silencieux comme dans le O de onomatopoeia. À la fin, ouais. P-O-E-I-A, onomatopoeia. Le T-I doit être silencieux aussi. Exactement. Le T est silencieux comme dans buffet, B-U-F-F-E-T. Et le I est silencieux comme dans business, on le prononce pas. Donc, ça fait un silence. C'est bon, hein? Donc, la manière de le prononcer, c'est... Voilà. Ou encore fish. Ou encore fish. C'est la chronique, c'est un fait pour cette semaine. C'est... Yeah, ça fait c'est, vide c'est, au bout. Ben oui! Ouais. On a plein de faits. Il nous reste le numéro 2 et 1. Donc, on va entendre le numéro 2. Après ça, on revient avec les jeux de mots. Donc, pour l'instant, c'est Hell Songs. Ben oui, et juste avant, ça va être. Non, ça va être Hell Songs avec. Ça va être Hell Songs au Walk. La pièce Walk. C'est ça. Ben oui, c'est ça. Bon, ben, appelle-la. Hein. Je suis vraiment pas bonne cette semaine. C'est pas grave. Non, je veux dire, non, t'es bonne. Ah, du public enfin qui applaudit. Merci. Easily, I'm bothered by persistence. One step from lashing out at you. You want in, get under my skin and call yourself a friend. Well, I've got more friends like you. Is there no standard anymore? What it takes, who I am, where I've been, belong. You can't be something you're not. Be yourself by yourself, stay away from me. A lesson learned in life, known from the dawn of time. Respect, walk, respect, walk. When I'm not around, it's easy to achieve. You're quite a weak friend, said sympathize. Hey, the violins, they're playing you your song. Same friends tell me you're everywhere. Is there no standard anymore? What it takes, who I am, where I've been, belong. You can't be something you're not. Be yourself by yourself, stay away from. Yes. Songs, la pièce Walk sur l'album Long Live Lounge en position numéro 2. Ça descend de 3 places. C'est toujours à la vie croisière d'assemblage requis. Il nous reste seulement le numéro 1 à entendre. Et évidemment, le numéro 1 veut dire jeu de mots poche. Et là, ben, en ce moment, je suis seul pour faire les jeux de mots poche. Donc, essayez de réagir à distance et je vais karmiquement ou psychologiquement à distance comprendre. Hein? Parce qu'à un moment donné, comme les jeux de mots, ça se comprend pas tout seul, ça. Mais cette chanson-là est vraiment bonne et elle mérite les meilleurs jeux de mots. Je vous jure, elle est tellement bonne, là, comme un renard, okay? Un renard. Vous allez vous faire aller la queue d'excitation. Hein? Elle est tellement bonne que vous allez sûrement devoir sortir votre iPhone et sortir votre application Shazam ou peu importe pour la reconnaître. Tellement que vous l'aimez, vous allez aller sur Facebook, vous allez cliquer sur j'aime. Hein? Et là, je viens de faire mes 3-4 jeux de mots, là, puis vous comprenez toujours pas parce que c'est Foxy Shazam avec I Like It. Hein? C'est simple. Hey, imagination fertile ici. Hein? La position numéro 1 du palmarès anglophone de C'est fou pour la période du 25 juin au 8 juillet 2012. Mais avant de dire le numéro 1, évidemment, on va faire un petit récapitulatif. En 5e place, c'était The Mars Volta avec La Poche Call, ancien numéro 1. En 4e, Joel Plaskett Emergency avec Your Mind. En 3e, ça monte de 3, Jack White et 16 Saltines. En 2e, ça monte de 3 aussi, Hell Songs avec Walk. Et on vient d'entendre le numéro 1 qui monte d'une place, Foxy Shazam et I Like It sur l'album The Church of Rock and Roll. Donc voilà, vous avez entendu et compris mes jeux de mots vraiment mauvais de tout à l'heure. C'est la fin de l'émission de cette semaine. Je remercie tout le monde qui a participé à l'émission d'aujourd'hui, c'est-à-dire Mathieu Roy avec sa chronique nautique, David Ferron avec Graines de Pivot, Simon Fitzbé pour Les Nuls. On a eu aussi Sébastien Dulude avec Va voir ailleurs, j'y suis. Je remercie Alexandra Carignan d'avoir co-animé avec moi. Je remercie ceux qui ne sont pas présentés aussi, mais qu'on retrouvera peut-être dans les semaines prochaines, entre autres Justine Renaud. Et qui d'autre qui était pas là aussi? En tout cas, peu importe. Donc, merci à tout le monde. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. On se retrouve jeudi prochain en direct entre 13h et 17h. Ce qui nous suit à 18h, c'est Rock Révélé avec Serge Nadeau. On repasse les samedis entre midi et 16h. Après nous, c'est les gars de C'est pas Cancun. Et finalement, on joue le lundi entre 15h et 19h. Après nous, à 20h, c'est Un genre de bleu avec Simon Fitzbay. Passez par cif.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. Passez un excellent week-end ou une excellente semaine. Un très bon festival pour ceux qui vont aller voir quelques spectacles en fin de semaine pendant qu'il vous reste encore du temps. Et puis on se quitte avec un extrait du palmarès francophone pour faire changement un petit peu. C'est la nouvelle entrée de Janice Plus et elle s'appelle Aléa. Allez à la prochaine. Allez à la prochaine. C'était pas bon tantôt, ça l'est pas encore là. Sol, mon refuge, camisole de force. Vas-tu réaliser?